Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité. Le blanc va être une vieille chose dépassée et qu'il y aura métissage puis disparition, mais et c'est ainsi. Ce que vous appelez papier, c'est fait à partir du bois que vous avez volé en Afrique. Vous comprenez? Donc, normalement, ces papiers-là, c'est le droit des Africains. Le suspect a dit qu'il était dérangé par les blancs. Il a dit qu'il voulait tuer des blancs, particulièrement des officiers blancs. L'Europe a besoin de migrants. On en a besoin de façon vitale pour payer les retraites de ceux qui travaillent. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un programme expulser 40 000 migrants en situation irrégulière. Ces derniers ont jusqu'à la fin mars pour quitter Israël, faute de quoi ils seront emprisonnés. On appelle ça l'altruisme intéressé. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 5, épisode 20. Je procède au rappel traditionnel de notre émission, vous pouvez nous contacter sur notre adresse email, démocratieparticipative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Je répète, démocratie participative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Je commence par la présentation des membres de cette semaine. Avec Pierrot, comment vas-tu Pierrot? Salut Gandalf, salut à tous. Bon écoute, ça va, hein, toujours en liberté, semi-surveillé, bizarrement. Mais bon, on survit. D'accord. Fulbert nous fait aussi le plaisir d'être avec nous cette semaine. Il est parti s'aérer, mais il est au rendez-vous. Comment vas-tu, cher Fulbert? Ben, tu vas bien, merci. Bonjour à tous, bonjour à toi, Gandalf. Bonjour Fulbert. Derek, comment vas-tu? Mais ça va très bien, cher Adolf, la pêche, déconfiné, donc on peut enfin aller à notre guise, c'est agréable. Enfin, pour l'instant, hein, ça va durer. Oui, c'est conditionnel, effectivement. Alexis nous fait le plaisir d'être avec nous aussi pour cette émission, j'espère qu'il va bien, Alexis. Salut Gandalf, et ça va, merci, salut tout le monde. Et enfin, Diabolix nous fait le plaisir d'être avec nous cette semaine aussi, comment vas-tu, cher Diabolix? Salut Gandalf, bonjour à tous, ben merveilleusement bien, avec 26 degrés, le rêve. Oh là, dis bon, c'est l'été. Oui, et puis grâce au déconfinement, je ne suis plus seul dans mon jacuzzi. Alors messieurs, avant de commencer l'émission, je tenais à souligner que vous pouviez, enfin, que nos auditeurs ou lecteurs peuvent nous soutenir financièrement, en faisant des dons par le moyen de crypto-monnaies, en l'occurrence, et maintenant je pense que la plupart d'entre eux le savent, par Monero. Tout est expliqué sur le site à droite. Nous avons reçu plusieurs dons cette semaine. En tout cas, les personnes se sont manifestées pour nous signifier avoir fait un don, donc je vais citer leur courrier. Je commence avec Ed, qui nous dit la chose suivante. Bonjour! Voici un petit don de 0,48 Monero, hein, c'est précis, pour soutenir Démocratie Participative. Salutations à toute l'équipe. Merci à toi, Ed, de ton soutien. Ce n'est pas la première fois que tu nous soutiens, si ma mémoire est bonne. C'est un soutien régulier, notre ami Ed. Un mécène, ouais. Tout à fait. On a un certain nombre de mécènes comme ça très réguliers. Deuxième don. Bonjour à vous, amis démocrates. Vous trouverez dans votre wallet un petit don de 0,2 Monero pour réparer le monde. Oui, Tikkun Olam, c'est important. Salutations participatives, et c'est RageMode qui avait aussi donné par le passé, je me rappelle très très bien. C'est sympa pour réparer le monde. Oui, c'est mieux que de verser ses impôts à la République, hein, c'est sûr, c'est sûr. Est-ce que RageMode est un cousin du roi Nimrod? Question est posée, peut-être aurons-nous une réponse. Troisième don, alors le troisième don est, donc c'est pareil aussi, c'est un donateur régulier, donc ceux qui nous ont écrit cette semaine sont des donateurs réguliers. Le don est associé à un courrier. Alors bonjour à tous. Pour vous informer de l'envoi de ma contribution, 3 Monero transférés, merci de confirmer la bonne réception, bah je confirme. J'avais prévu dans un premier temps de vous faire parvenir un message sur un thème humoristique, bien que presque blasphématoire, le confinement nous ayant fait découvrir les joies de de faire son pain soi-même. Ceci nous a permis de tenter des réalisations plus ou moins originales. Alors donc, il a fait des petites créations, mais je ne peux pas les communiquer ici, bien évidemment. Alors, encore merci à votre travail et mes amicales salutations à l'ensemble de l'équipe. Je tenais surtout à vous adresser un vif remerciement pour l'excellent article relatif à la victoire du 8 mai 1945. J'ai travaillé en ce jour férié sans difficulté, avec une grande motivation pour tout vous avouer. Ce n'est pas mon jour férié. Je suis tombé sur la photo de la porte de Brandebourg, illuminée de remerciements aux libérateurs. Le choc. Et j'ai lu votre article. J'écris ce message lundi soir, soit après 3 jours après la date de commémoration. Je ne parviens pas à calmer ma haine devant la bêtise des uns et l'ignominie des autres. La bêtise des uns, cette fierté cocardière d'avoir gagné, de pouvoir défiler auprès des alliés, ces fiers alliés si purs à déverser leur phosphore blanc sur la ville de Dresde, pas que la ville de Dresde d'ailleurs, une ville remplie de civils fuyant l'arrivée des troupes soviétiques et qui fut réduite à l'état de brasier pendant plusieurs jours, causant la mort de plus de 100 000 personnes. Une honte absolue qui aura tout de même valu à son commandant en chef de recevoir sa statue à Londres, Sir Bombing ou Butcher Harris. L'ignominie des autres, des dirigeants enjuivés au point de faire inscrire sur la porte de Brandebourg donc merci en 4 langues, thank you pour le phosphore, spasiba pour les viols en masse, et les soldats en déroute abattus sommairement, et pour lesquels les populations locales furent instruites de les laisser pourrir de manière visible afin que tout le monde puisse apprécier le spectacle. Le 8 mai ne fut en réalité que le clap de fin d'un suicide d'un continent entamé gaiement en août 14. Fermez le banc. Que des marionnettes aux mains des juifs telles qu'Ursula von der Leyen et autres Merkel applaudissent à une telle humiliation passe encore, mais que des Allemands ne crient pas au scandale et ne se révoltent pas contre un tel crachat en pleine gueule, confinement ou pas, en dit long sur le degré de destruction mentale de ce peuple. Je savais pour l'Allemagne de l'Ouest, j'espérais encore un peu pour les Aussies, donc les Allemands de l'Ouest. Le sida mental a fini par faire son œuvre là aussi. Fermez le banc. Une nouvelle fois. Comment l'Europe a-t-elle pu s'abaisser à un tel point? J'en ai ma petite idée, mais je pense qu'elle est déjà très bien exposée dans vos colonnes. Un grand merci encore pour m'avoir fait découvrir ces témoignages des anciens de la division Charlemagne. Restez dignes jusqu'à leur dernier souffle. Les paroles de Christian de Lamazière ne cessent de résonner dans ma tête. Alors, oui, je vais les citer, enfin, on va les mettre en insertion sonore, de manière à ce que chacun puisse savoir de quoi il retourne, mais effectivement, ce sont des propos assez frappants. Si la guerre s'était terminée autrement, que la victoire ait été de notre côté, croyez-vous que j'aurais regretté? Je n'ai pas à rougir. Nous n'avons pas, les uns et les autres, ce que nous avons fait, à titre personnel et à titre collectif, nous n'avons pas à rougir de ce que nous avons fait. Nous ne sommes pas indignes, mais si les autres le pensent, le principal est que le regard que l'on porte sur ceux qui étaient avec nous hier, de pouvoir dire « c'était déjà bien et je les admire ». Vous avez ces maisons qui brûlent, les pans de murs, les maisons qui s'écroulent, les immeubles qui s'écroulent. Alors, la fumée des incendies, la poussière qui se dégage des murs qui s'écroulent, par moments c'est totalement irrespirable. Nous ne savions pratiquement même plus où nous étions. On ne faisait même plus la différence entre le jour et la nuit. Il y avait parfois des accalmies dans les bombardements. Il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait. Au milieu des accalmies, nous entendions les hurlements des femmes. C'était atroce. C'était exactement comme si le ciel nous était tombé sur la tête. Il n'y avait plus rien. C'était le saut dans le néant. Il n'y avait plus d'espoir. Rien, rien. C'était le néant total. L'écrasement complet. Nous n'étions plus rien. Ce n'était même pas question. Finalement, la vie n'avait plus de sens. Quand la vie n'a plus de sens, on ne tient plus, même plus à la vie. Voilà, alors. Merci à Léon de nous avoir écrit, le beau Léon qui nous a écrit ce courrier. Merci aussi pour son soutien. Est-ce que vous voulez commenter ce courrier ou son sentiment sur ce 8 mai? Je ne sais pas si c'est un jour qui vous a frappé plus qu'un autre ou plus que d'habitude. Non, bah, en cette période de confinement, pour le coup, c'était confinatoire aussi confiné qu'un autre jour. Moi, je reviens sur le petit point là, à la fin, où il parle des Allemands de l'Ouest, des Allemands de l'Est. Je pense que, cher auditeur, tu devrais avoir un petit peu plus d'espoir envers nos oui, alors il faut quand même préciser une chose, c'est-à-dire qu'il a vu la porte de Brandebourg, mais la porte de Brandebourg est à Berlin. Ouais, Berlin, c'est une enclave. C'est un isolat. Voilà, c'est ça. C'est un isolat, c'est une enclave, c'est très particulier. Ça n'est pas du tout représentatif de ce qui peut se passer en Europe, en Allemagne de l'Est, pardon. Et nos camarades d'Allemagne de l'Est, comme ils l'étaient déjà à l'époque du Führer, hein, donc l'Allemagne, on va dire, protestante, hein, pour le coup, désolé, excusez-moi les catholiques si ça vous fait bondir, mais ces territoires-là étaient les premiers à se jeter corps et âme dans la SA. Donc, ce sont encore, à l'heure actuelle, les territoires qui résistent le plus, oui. Qui résistent le plus au cosmopolitisme oui. destructeur. Hein. Donc, non, vraiment, si j'avais un espoir dans un pays en Europe, ça serait l'Allemagne. En Europe de l'Ouest, si je veux dire. En Europe de l'Ouest. Oui, ben, je parle d'espoir pour l'Europe de l'Est, excusez-moi, c'est pas mon truc. Hein. Mais ça serait l'Allemagne de l'Est, ouais, pour le coup. Mm. C'est là d'où c'est parti et c'est là d'où ça repartira. Alors certains te feront observer qu'en fait le mouvement national-socialiste est parti de la Bavière catholique, mais je sais pas si ça aura si t'en prends acte ou pas. Je j'ai pas de je veux dire bon je pourrais développer. Bah, c'est parti là. Limite, bon, Adolf Hitler était autrichien aussi, donc on peut partir aussi. Non mais c'est un fait que beaucoup de leaders du cosmopolite. Beaucoup non, mais c'est-à-dire que tu as des élites, oui, ça vient de Bavière, mais tu as des élites qui sont, comment dire, que tu es extirpé d'un enfer cosmopolite, Adolf Hitler de l'Empire austro-hongrois, d'autres de Bavière qui étaient déjà assez libérales, donc dans des catholiques, avec les idées de. La démocratie chrétienne. Même pas que ça, mais tout ce qui était. Le Württemberg, enfin tous ces coins-là qui étaient très très en avance dans la révolution déjà un siècle avant. Donc c'est pas la même chose, mais ils avaient ça en vue, quoi. Ils avaient tous ces coins-là qui étaient frontaliers avec la France, qui étaient déjà très très révolutionnaires, et ça a pu servir de contre-exemple pour une certaine radicalité. Et une radicalité qui était assez bien comprise et acceptée par les populations du nord et de l'est de l'Allemagne. Et bon, quand on regarde les résultats électoraux à l'heure actuelle, bah, c'est la même chose. Ce sont ces gens-là qui sont déjà, d'une part, bon, ils ont les capacités, hein, de tenir et de faire qui se sont levés avec les élites de Bavière, comme tu dis, et d'ailleurs pour déferler sur l'Europe. Qui d'autre Sur le 8 mai, je sais que les Verts, les Grünen, donc l'équivalent des écolos, enfin prétendus écolos, les Verts en Allemagne, voulaient que le 8 mai en Allemagne soit jour férié. J'ai entendu parler de ça. Oui, célébrer la défaite de l'Allemagne. Oui. Bah, moi, j'ai vu, il faut comprendre un truc, hein, c'est-à-dire que l'Allemagne a été je sais pas à quel point c'est vrai aujourd'hui, mais il y avait un sentiment très anti-allemand pendant très longtemps en France. Bon, il y avait une dynamique en Europe. Bon, voilà, c'était comme ça. Je sais pas si aujourd'hui c'est encore quelque chose qui est très présent. J'ai pas le sentiment qu'il y ait non plus Je crois que j'ai déjà expliqué ici, mais la germanophobie, en fait, ressemble beaucoup à la francophobie des Maghrébins. C'est-à-dire que c'est vraiment le ressentiment pour quelqu'un qui nous paraît plus fort, mais légitimement plus fort, parce qu'en vrai, ils sont plus forts parce qu'ils sont plus forts, c'est tout. Il n'y a pas de triche. Et ce que j'ai jamais... je dis pas que les Allemands... Enfin, le leadership allemand actuel, hein, donc de la démocratie allemande actuelle... soit dépourvu, je veux dire, de machiavélisme par certains aspects au plan économique, mais disons que bon, fondamentalement, si les Allemands dominent en Europe, c'est parce que actuellement, je sais pas ce qu'il en sera demain, ils sont plus forts au plan organisationnel, au plan économique. Bon bref, mais ça c'est autre chose. Mais je sais pas s'il y a des gens qui se réjouissent vraiment de la défaite de l'Allemagne, mais il faut comprendre qu'avec la défaite de l'Allemagne, par amalgame, pardonnez-moi l'expression. Grosso modo, toutes les idées nationales, toutes les idées patriotiques, j'allais dire toutes les idées de droite, même, je vais même encore au-delà, hein, toutes les idées de droite ont été complètement frappées d'interdit en Europe, et ça fait 80 ans que c'est, enfin, ça fait 75 ans que c'est le cas, et on en voit toutes les conséquences, quoi. Hein, et la gauche, donc j'insiste, la gauche le comprend parfaitement. Et le célèbre, donc quand je vois les verts allemands, si vous voulez, c'est des gens, bon, vous pouvez regarder ça sur Twitter, hein, pas sur Twitter, sur YouTube, ce sont des documents qui existent, hein, de leaders des Grünen, donc des verts, donc des femmes d'ailleurs, sont des cadres élus en tant que verts là-bas, qui dans des parlements régionaux, moi j'en ai vu une comme ça, qui se félicitait à la tribune, hein, que les Allemands de souche allaient disparaître. En disant c'est bien, c'est le futur, c'est ça qu'on veut. Donc les Verts, si vous voulez, c'est de toute l'idéologie cosmopolite ambiante, c'en est l'expression la plus pure en Allemagne. Je crois pas qu'il y ait, je veux dire, par certains aspects, même le parti Die Linke là, le descendant de l'ancien parti communiste d'Allemagne de l'Est, qui a ensuite fédéré à sa suite toute une série de groupuscules de gauche. Un peu l'équivalent de la France insoumise en France, sont des gens qui sont beaucoup plus modérés sur toute une série de questions à caractère identitaire, hein. Même à caractère économique. Je me suis surpris à entendre des propos de certains dirigeants de Die Linke, écoutez, qui n'auraient pas dépareillé dans un meeting nationaliste. Hein. Donc, l'Allemagne n'a pas suivi exactement la même évolution. Mais il y a eu une rééducation des masses. Et c'est le point zéro de la rééducation de l'Europe par les Anglo-Américains et les Soviétiques, quoi. L'Allemagne de l'Ouest, hein. Oui, alors en Allemagne de l'Est, la dénazification en fait a été moins intense, ce qui pourrait paraître en fait surprenant. Elle a été physique au départ, puis après bon, c'était le bolchevisme habituel, mais. Bon, les types ont été, il y a eu de l'extermination. Quand même. Ah oui, non, il y a eu de l'élimination, oui. c'est indubitable. Mais ce qui s'est aussi beaucoup passé, c'est que très vite l'affrontement avec le bloc de l'Ouest, bon, enfin, affrontement très relatif, mais bon, disons que la tension avec le bloc de l'Est a vite progressé, et il a bien fallu construire une Allemagne de l'Est, certes stalinienne, mais il a bien fallu la construire. Donc il fallait recruter des gens. Des gens qui savaient comment gérer une police, des gens qui savaient gérer un ministère de l'Agriculture, ben, toute une série de personnes comme ça, qui se sont en fait retrouvées être, pour un certain nombre d'entre eux, d'anciens cadres du régime national-socialiste. On a vu comme ça beaucoup d'anciens membres de l'ASS être... Bon, ils n'avaient pas le choix, hein, ils n'avaient pas le choix. Hein, vous étiez d'office intégrés. Et les soviétiques n'ont pas été très regardants. Et pour une raison simple, en fait, c'est que le système soviétique était autoritaire, donc... la culture, j'allais dire, libertaire qui a prévalu à l'Ouest était finalement assez incompatible avec une contestation vraiment radicale, je veux dire, du fascisme dans toute sa cohérence. Si vous regardez les... Parce que c'était... Pourquoi ? Les gens vont se demander, mais pourquoi ? Au fond, pourquoi tous les pays de l'Est, anciennement communistes, se tiennent mieux aujourd'hui ? Mais la raison est très simple, c'est-à-dire que le soviétisme, avec le bolchevisme de type stalinien, restait collectiviste. Donc le collectivisme était l'idée fondamentale. Et finalement, l'idée nationale, c'est une idée collective. Donc, il n'y avait pas besoin pour les bolcheviks de détruire le sentiment national de la même façon que ça a été le cas à l'Ouest, où on est dans des démocraties libérales pour lesquelles la destruction de tout sentiment collectif est fondamentale. Oui. C'est ça qui est très différent. Que le discours féministe, par exemple, qui a eu lieu en Occident, de mené par les forces marxistes, hein, c'était un discours destiné à l'exportation, hein, un petit peu comme les tout juifs, à fait, hein, oui, c'est la subversion, hein, ni plus ni moins. Hein. C'est la subversion, hein, tout ce qui était discours féministe, etc., c'était destiné à saper les bases de la société de l'ennemi. Bon, mais l'ennemi, on est toujours dedans, nous, hein. Les autres qui se sont arrêtés, qui se sont arriérés pour le coup pendant des décennies, ils ont été passablement épargnés pendant que nous on est encore dedans. Oui, alors il faut souligner un point très important. D'abord, il y a eu un vrai effort de subversion du monde occidental par le bloc communiste et notamment l'Union soviétique, qui avait des programmes de subversion, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de la CIA, de choses. Il faut bien comprendre que pendant très longtemps on a eu un KGB qui était extrêmement puissant et qui avait étudié toute une série de programmes de subversion, et ils avaient bien compris en fait qu'on pouvait pousser les sociétés occidentales dans une certaine direction pour les affaiblir de l'intérieur. Et ça a très bien fonctionné. Si vous regardez par exemple l'exemple de la guerre du Vietnam aux États-Unis, parce que finalement les États-Unis, bon, ils se sont fait une gloire d'avoir abattu, d'ailleurs sans trop grands efforts, hein, l'Allemagne nationale socialiste, en fait une partie de l'Allemagne nationale socialiste, simplement parce qu'ils sont intervenus au bon moment dans le conflit. Ils s'en sont beaucoup flattés, mais ce qu'ils n'ont pas vu arriver, c'est que 25 ans plus tard, leur pays s'est complètement écroulé face à une insurrection paysanne nord-vietnamienne qui, en réalité, aurait pu être vaincue. Et qu'est-ce qui a été décisif? Ce sont tous ces groupes communistes qui agissaient sur les campus, qui agitaient les minorités raciales. Je ne parle bien évidemment même pas des intellectuels juifs qui tenaient les médias, etc., qui ont en fait délégitimé complètement l'effort de guerre américain au Vietnam, et qui a poussé les États-Unis à capituler. Ce qui paraissait impensable, je veux dire, un pays qui avait gagné deux guerres mondiales, qui soit défait comme ça, piteusement, par une insurrection d'une moitié d'un pays, ça a été possible grâce à ce front intérieur. Et ce front intérieur, on l'avait aussi en Europe de l'Ouest. C'était tous les gauchistes. Alors, il y a une ambivalence, parce que beaucoup de gauchistes en 68 étaient anti-staliniens, mais la belle affaire, ça restait des marxistes. Donc, leur idée fondamentale restait la même. Donc, peu importe s'ils contestaient au Parti communiste son autorité, n'en demeure pas moins que leurs textes fondamentaux restaient les mêmes. Bon, ils se revendiquaient de Mao à la place de... Certains se revendiquaient de Mao à la place de Staline. Bon, ça, c'était les maoïstes, mais les maoïstes étaient en désaccord complet avec les trotskistes, il y avait les anarchistes, etc. Bon, j'en passe, c'est des meilleurs. Bon, mais ça a servi de bouillonnement culturel aux élites qui, aujourd'hui, appliquent leur programme. Pour ceux qui n'en sont pas tout à fait conscients, pensez que des gens comme François Hollande sont des gens qui sont nés dans ce milieu intellectuel-là. Intellectuel et culturel là, quoi, je veux dire, faut pas s'étonner qu'une fois qu'ils montent dans la bureaucratie puis dans l'appareil d'État, bah, quand ils prennent des décisions, les décisions sont sans grande surprise, sans frontiéristes, c'est sûr, quoi, hein, voilà. Moi, c'est ça qui me frappe, en fait, c'est que c'est l'absence de volonté de résistance à l'hégémonie culturel, non seulement de la gauche, mais même des marxistes. Et d'une manière plus générale, enfin, parce que, je veux dire, les marxistes, c'est le versant collectiviste, le versant révolutionnaire collectiviste dur, mais on a aussi toute une gauche, je veux dire, qui est beaucoup plus, on va dire, plus molle, plus modérée, mais qui n'en demeure pas moins la pernicieuse gauche molle cosmopolite. Oui. Voilà, qui est une gauche beaucoup plus libertaire, mais qui est peut-être beaucoup plus dangereuse. Il y a très peu de résistance, en fait. La tradition, on va dire, c'est même pas que la droite. En France, je pense que ça a été le cas dans plusieurs pays occidentaux, mais dans les années 70, tout ce qui était aumônerie, catholique, etc., oui, oui, oui. Les groupes, ça a été noyauté, mais c'était un bombardement, quoi. Ça a été noyauté par les maoïstes, ouais. Mais à une échelle qu'on a du mal à imaginer. C'était absolument partout. Dans les moindres paroisses, les moindres chapelles, tu avais des rouges qui venaient subvertir les jeunes qui venaient dans les paroisses. Enfin, bon, moi, je suis d'autant mieux passé pour t'en parler que j'ai eu des membres de ma famille qui ont été témoins de ça et qui en sont revenus, bien heureusement. Mais c'était des bourgeois, enfin, on avait la démocratie participative, nous avions Pol Pot, bien entendu, mais nous avions des marxistes qui venaient dans les paroisses et qui allaient recruter pour organiser des conférences avec des dirigeants Khmer Rouge. Enfin, je pense que ce qui leur a beaucoup plu dans l'aventure Khmer Rouge, dont j'ai déjà dit, hein, il fallait relire l'héritage parce que certaines choses à revisiter probablement, mais c'est l'interdiction de l'argent par le régime Khmer Rouge. Ça a beaucoup fasciné à l'époque tous les Mao et beaucoup aussi de chrétiens qui avaient basculé dans la révolution, notamment dans ce qui deviendra la théologie de la libération, vous le savez, hein, notamment en Amérique du Sud. Mais ça a été reconnu d'ailleurs, hein, je veux dire, il y a eu des membres du KGB qui ont reconnu qu'il y avait eu un effort systématique de subversion du clergé catholique en Occident. Enfin, ça avait été une de leurs... des témoignages nombreux et très et précis qui ont pu me parvenir de cette époque-là, parce que j'en ai. Les séditieux en question étaient très souvent des juifs qui allaient dans les paroisses. Mais ceci étant dit, s'il n'y avait eu que des juifs, ça n'aurait pas pu prendre l'ampleur que ça. Non, bien sûr, mais comme c'était l'époque de mai 68, il y avait beaucoup des juifs, des notables, des notables, des fils de notables juifs. Oui, certes. Des docteurs, des fils d'avocats, des trucs comme ça, tu vois, des gens qui se... Quelqu'un comme Gérard Miller est un ancien maoïste. Des gens qui se mettaient déjà beaucoup de choses dans le nez, bizarrement, tu vois, ou dans les veines. On avait des gens qui sortaient de la campagne, qui chantaient des Ave Maria, des Pater Noster, dans des chorales de village. Et tu avais là des criminels juifs qui arrivaient et qui te menaient dans des conférences pour le peuple avec où l'intégralité du leadership est Ashkenaz, effectivement. J'ai eu des témoignages notamment de Khmer, tu vois, où on est mené à des conférences de Khmer qui disaient on a eu des tentatives de négociation avec des Britanniques, par exemple. Le type disait quand l'ambassadeur est venu négocier pour des otages, on a sorti d'un panier la tête d'un des espions que les Anglais avaient envoyé. Tu vois. C'est ce genre de joaillerie. Tu vois, et donc là, les jeunes qui étaient sortis de l'aumônerie catholique étaient plongés dans ça. Ils avaient été tellement préparés que ça leur paraissait tout à fait normal. C'est intéressant. Et ces gens-là, Et ces gens-là, on les retrouve dans les rédactions hein, maintenant. C'est, mais voilà, mais tout à fait. J'ai vu, puisqu'on est sur le 8 mai 45, les autres membres participants peuvent parler, bien sûr, hein, vous prenez la parole. Mais je rebondis sur ce que dit Derek, parce que là, il donne une anecdote donc de cet effort de subversion qui est réel, qui avait été fait par les communistes dans les années 60 pour attirer à eux, on va dire, les ouailles de l'Église catholique. Pour ceux qui ne le sauraient pas, il y a eu en Bosnie, à Sarajevo, une messe qui a été dite en la mémoire des dizaines de milliers de Croates, femmes, enfants, vieillards, soldats aussi, qui en mai 1945 s'étaient réfugiés, cherchaient refuge dans la partie occupée par les troupes britanniques de l'Autriche, à la région de Bleiburg. Et alors, nos auditeurs me disent où nous mène-t-il ? Vous allez voir que c'est très important puisqu'on est, on parle plus largement de l'héritage du 8 mai et en quoi ça nous concerne. Alors, bon, les faits historiques sont connus, c'est-à-dire que les troupes croates, enfin l'armée britannique a refoulé les civils en sachant qu'elle les refoulait aux mains des égorgeurs marxistes de Tito. Donc ils les ont sciemment envoyés à la mort. On les a fait monter dans des trains, on leur a dit « vous en faites pas, le train arrivera quelque part en territoire allié » et ils ont eu la surprise à l'arrivée en gare de tomber sur des partisans communistes. Et ça a été l'élimination immédiate de dizaines de milliers de civils. Alors il y a comme ça, dans l'ex-Yougoslavie et plus particulièrement dans toute la partie croate, des charniers absolument partout. Il y a des fosses communes dans tout le pays qui sont le résultat des exactions, des crimes de masse commis par les troupes communistes de Tito, qui faisaient partie des alliés. Et les alliés ont donné la main à ce travail de destruction. Et il y a quelques jours, à Sarajevo, en commémoration de ces crimes, pour la paix des âmes des défunts, était donc célébrée une messe. Et nous avons vu sortir quelques centaines, la presse a dit quelques milliers, d'agitateurs bolcheviques essentiellement serbes, avec des étoiles rouges partout, et j'ai découvert dans la presse française, et notamment, tu vas voir le lien, notamment dans Ouest-France, qui est un journal officiellement démocrate chrétien. Oui. Et je souligne le lien à dessein. Bon, alors ceux qui sont des chrétiens, des catholiques traditionnalistes comprendront aussi la nuance. Démocrate chrétien, Ouest-France. J'ai lu là un article que j'aurais pu lire sur la Horde ou bien sur n'importe quel site internet de l'action antifasciste. Les slogans étaient repris tels quels. Sarajevo, libre et antifasciste. Et c'était hallucinant. Et c'était, alors donc on parlait des, il n'y avait aucun mot sur les victimes. On parle de liquidation de masse, de civils et d'enfants. Parce que vous savez ce qu'ils faisaient, notamment les communistes, ils muraient vivants dans des mines les gosses. Et on a retrouvé par la suite les cheveux des gamins, les tresses des gamins, des gamines. On les a retrouvés par la suite. Elles sont maintenant exposées si vous visitez là-bas. Bon, c'est pas forcément ce qu'on a envie de voir en Croatie, mais il faut savoir que ça existe. Pas un mot sur ce qui s'est passé. Et alors, la reproduction telle quelle des mots d'ordre de la crapule, de la canaille marxiste de Sarajevo. Ahurissant. Ahurissant. J'ai jamais vu un papier comme ça dans une presse aussi. Bon, ça peut être une presse qui penche à gauche. Mais alors là, dans Ouest-France, c'était fascinant. C'était fascinant. Donc c'était des gens qui célébraient. Alors, je précise aussi que c'était une messe, donc c'était un événement catholique, c'est un événement religieux catholique. Les Croates sont catholiques, vous le savez, et les marxistes, les communistes de Tito persécutaient les catholiques, hein, à l'évidence. Et cette feuille démocrate chrétienne de Ouest-France de célébrer les crimes de masse des communistes contre des catholiques, et qui protestait, donc dans l'article, contre la tenue même de cette messe, qui était pourtant consacrée, je crois, par rien moins qu'un archevêque, me semble-t-il. Donc, pas un petit curé isolé. Hein. Ahurissant. Alors, pourquoi je m'éternise un peu là-dessus? C'est parce que faut comprendre que le virus de destruction du marxisme, donc qui est en fait la sécularisation du judaïsme, le virus libératoire, il est là. Il est en Bosnie, il est en Croatie, il est en Serbie, il est en Grèce, il est en Allemagne de l'Est, il est à Berlin, il est en France, c'est partout. Donc quand on nous dit « le mur de Berlin est tombé », ah oui, le mur de Berlin, il est peut-être tombé, oui, l'Union soviétique s'est effondrée, ah, elle s'est effondrée, ça c'est sûr. Le marxisme, lui, se porte très bien. Il se porte très bien, merci pour lui. Et comment dirais-je, il faut quand même mettre les choses au clair. Je veux dire, dans nos milieux, je dis nos milieux, donc les milieux identitaires, bon, c'est large. Mais t'entends des gens célébrer le 8 mai 45, enfin, je veux dire, il faut être masochiste pour y consentir, quoi. Donc ça me, c'est absolument insoutenable. Mais bon, c'est visiblement, il y a des gens qui aiment souffrir. Enfin, il y a des gens qui voulait la victoire des gaullistes avec ce que ça implique. Et si vous vous demandez bah, qu'est-ce que ça implique, bah, ça implique ce que vous avez sous les yeux. pour corroborer la parenthèse que tu viens d'ouvrir, Gandalf, puis aussi Derek, pour le coup. Alors, je suis déjà assez dans l'émission, mais c'est vrai que ce n'est pas une idée nouvelle. Hein. C'est-à-dire que les idées de la Révolution, donc idées de la Révolution, je veux dire, de la Révolution française, donc du point de vue marxiste, des idées révolutionnaires, effectivement, effectivement, les rapports qu'ont entretenu l'Église par rapport à ces idées-là ont toujours été extrêmement tendus, en fait, depuis le début du XXe siècle. Donc, c'est pas quelque chose qui est récent, c'est pas l'explosion du marxisme qui a fait émerger ce problème. C'est-à-dire que c'est un problème qui était très connu. Bon, j'ai déjà évoqué la fameuse encyclique antimoderniste du pape Saint Pie X, qui date d'avant la Première Guerre mondiale, donc. Où en fait le pape, même avant d'être pape d'ailleurs, il avait déjà expliqué que l'Église catholique étant une structure pyramidale, bien sûr, si jamais il y a des éléments extérieurs qui veulent entreprendre des phénomènes de subversion, donc à l'époque il parlait effectivement des idées révolutionnaires et de la franc-maçonnerie, c'est plus simple qu'il y ait une structure pyramidale. Et c'est pour ça que l'encyclique a eu lieu. C'est quelque chose qui ne s'est pas arrêté à la Première ni à la Seconde Guerre mondiale, ça a continué. Il y a eu tout un tas de documents. Alors pour le coup, c'est pas des documents qu'on peut citer de ce que vous voulez, quoi. C'est des documents officiels du Vatican où en fait tout un tas de prélats s'inquiètent que dans les séminaires il y a des agents. Donc là, je parle plus tard pour le moment de la guerre froide, des agents ouvertement communistes sont infiltrés dans les séminaires parce qu'ils ont bien compris que si jamais vous prenez la tête du séminaire, bah, finalement vous formez des prêtres subversifs. Et ensuite, du coup, la machine est enclenchée et ça pose un problème. Tout ça a eu une amplitude de plus en plus grande au fur et à mesure de l'avancée des idées marxistes, notamment bah, en fait, à partir du moment où finalement Lénine a pris le pouvoir, tout ça s'est enclenché de manière très très rapide, hein, très très rapide. Et les prélats catholiques étaient extrêmement inquiets de ces idées-là, surtout qu'ils n'arrivaient plus à entrevoir une porte de sortie à l'intérieur du clergé, puisqu'en fait, les éléments subversifs prenaient de l'ampleur et contredisaient toute rhétorique contre-révolutionnaire, ce qui est quand même un problème dans l'Église catholique, parce que normalement, c'est quand même une idée qui devait être qui devrait être dominante. Je note aussi que, là, pour le coup, encore, c'est une information qui est tout à fait publique. Hein. Je crois que Mgr Lefebvre avait fait une déclaration, c'était au moment de l'excommunication, je ne sais plus exactement à quel moment, juste pour donner un peu un ordre de grandeur au niveau des dates, où il expliquait à la suite d'une messe à Lille comment s'était passé à peu près le Concile Vatican II et comment en fait tout ça était phagocyté, toutes les autorités catholiques étaient déjà phagocytées de juifs, de francs-maçons bien sûr, évidemment, et de communistes. À tel point que lors des éléments préparatoires de Vatican II, vous savez qu'on nomme un président pour chaque commission, et donc il y a un président qui a siégé durant plusieurs années, hein, pour le coup, parce que Vatican II s'est quand même étalé pendant une certaine durée, et en fait son secrétaire principal avait une carte officielle au Parti communiste, quoi. C'est-à-dire que c'était même pas quelque chose de caché, et ce secrétaire-là, du coup, faisait des événements mondiaux, des conférences, de la propagande communiste, alors qu'ils portaient le col romain, quoi. Donc en fait, ces gens ne se cachaient même plus. Pourquoi ils se cachaient plus? Parce qu'en fait, finalement, la défaite était actée, quoi. Il n'y avait plus de résistance. Oui, c'est intéressant, l'histoire de l'Église catholique, indépendamment de la foi des uns ou des autres. C'est de voir, parce que c'est toute l'évolution de l'Église catholique permet de mesurer l'évolution des sociétés occidentales, enfin, en tout cas en Europe. Et l'émergence de la démocratie chrétienne a été le premier grand défi qui a été posé à l'Église. Donc je parlais de West of France, qui est une feuille de chou démocrate chrétienne. Il faut bien comprendre que quand on dit démocrate chrétien, c'est surtout démocrate. Hein, donc c'est-à-dire qu'il s'agit d'importer les idées de gauche dans les milieux chrétiens, donc historiquement. Et donc ça s'inscrivait dans la tendance libérale, philosophique libérale, donc qui contestait par principe l'idée même, d'une communauté imposant une forme de norme sociale à un groupe d'individus, voilà, c'est un groupe de personnes. Et au XIXe siècle, il y a eu de très fortes tensions, puisque la démocratie chrétienne a essayé d'emporter la papauté avec elle vers l'émergence de la démocratie. Et en fait, elle a échoué, d'ailleurs, la démocratie chrétienne. La démocratie chrétienne a échoué. Elle a échoué au niveau du Vatican, au XIXe siècle. En revanche, au niveau des idées, notamment au niveau de la presse, ça a été une victoire très certaine. Et on peut le mesurer avec l'évolution d'un journal comme La Croix. Journal anti-Dreyfusard. C'était un journal anti-Dreyfusard. Enfin, il faut quand même le mesurer. Qui aujourd'hui est une feuille de chou à faire pâlir, la communication officielle du Parti Socialiste. Hein. Il y a aussi maintenant en France, dans ce type-là, le journal qui s'appelle La Vie, me semble-t-il. Oui. Vous regardez même un truc plus actuel. L'avortement. Vous regardez un truc plus actuel comme KTO. Pardonnez-moi, mais enfin, je veux dire, c'est quand même très ça infecté. Ça sent l'homosexualité quand même beaucoup. Hein. Oui, il y a aussi ce nouveau truc-là, c'est la forme du réseau. Oui. Alors, par contre, on s'écarte un peu, mais la subversion démocratique, maçonne, puis marxiste, a affecté considérablement l'Église, qui a été finalement associé, alors avec Bergoglio, là maintenant c'est spectaculaire, a été associé à ce grand mouvement pour en faire un relais, quoi. Et c'est ce à quoi on assiste. Et il faut bien savoir, je parlais de Bleiburg, donc de ce massacre commis par les partisans communistes de Tito contre les civils croates qui fuyaient, donc qui essayaient de se réfugier dans la partie alliée et qui ont été repoussés. L'année dernière, l'Église catholique, les autorités catholiques d'Autriche se sont opposées à la tenue de la messe. Et si on s'intéresse à la tenue, notamment de l'Église d'Allemagne, je parle des catholiques d'Allemagne, vous regardez les grands clercs de l'Église catholique d'Allemagne, ce sont des révolutionnaires communistes aujourd'hui. Et LGBT, je tiens à le souligner. Il me semble d'ailleurs qu'il y a... Enfin, il y en a un qui s'appelle Marx. Il s'appelle Marx. Il s'appelle carrément Marx. Cardinal Marx, qui est... férocement pour le LGBTisme le plus complet. Le LGBTisme et la marronification de l'Allemagne. Ah oui, c'est un subversif de premier ordre. Hein. Ouais. Donc, en fait, mais comme les gens ont l'habitude, ils ont un peu l'image de Don Camillo dans la tête, donc il suffit de mettre une soutane, même s'ils n'aiment pas trop la porter, un petit col romain et... Et on se dit, c'est un curé. De nos jours, hein, beaucoup moins. Beaucoup moins. Donc, je tenais à le souligner quand même. Donc voilà, on a parlé de Bleiburg, on a parlé de tellement d'autres trucs. Mais il y a aussi des crimes qui ont été commis en France. Attention, pas besoin d'aller aussi loin que l'ex-Yougoslavie. Hein. Si vous en donnez la peine, je sais pas si vous êtes curieux, là je m'adresse à nos auditeurs, si vous êtes curieux un petit peu d'histoire, je suis convaincu que dans votre département, je ne dis même pas la région, hein, je dis département, vous trouverez des cas d'exactions commises à l'été 44 contre des civils français, parfaitement innocents, hein, même pas suspectés, mais qui ont été capturés par des partisans communistes. et qui ont voulu les voler, les détrousser, et les ont ensuite assassinés, ou alors pour les filles qui ont été violées collectivement pendant parfois des semaines et exécutées, etc. Moi, j'ai des histoires, j'ai beaucoup d'histoires comme ça. Bah, moi, mon arrière-grand-père a failli être exécuté pour ça, quoi. C'est-à-dire pour une rumeur. Pour une rumeur, il a failli être exécuté voilà, par les Rouges qui avaient pris le pouvoir à la Libération. Bon, comme c'était un type, bon, c'était pour le coup, c'était un catholique très pieux et très honnête et très, on va dire, intègre, ouais, tu veux dire, non, intègre pour le coup, vraiment intègre. Même les communistes qui avaient pris le pouvoir, quand ils ont vu que mon arrière-grand-père était emprisonné, ils ont dit, mais attendez, qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi vous l'avez foutu là-dedans? Oui, il a donné la soupe à des Allemands. Allez, ramenez-le chez lui. Ouais, bon, c'est fait comme ça. Bon, j'ai eu du bol, je suis né, hein, donc, sinon je ne serais pas là. Mais bon, c'était l'ambiance là, c'est-à-dire que c'était les Rouges ont pris le pouvoir, ils ont dit, bon, lui oui, lui non. Ouais, ouais. S'il avait la bonne, ça allait. S'il n'avait pas, ça allait. C'est une balle dans la tête, une balle dans la nuque, et on n'en parlait plus. Tout à fait. Et cette ambiance de terreur, de terrorisme, a prévalu en France. Moi, j'ai connu des gens qui ont connu cette époque. Hein. Alors, pour le coup, qui étaient des militants, enfin, des jeunes militants, hein, mais qui étaient qualifiés de collaborationnistes. Bon, mais leur idéal à eux, c'était pas de collaborer avec les Allemands à tout prix. C'était pas ça leur idée. Ils étaient dans des organisations, en fait, qui étaient des organisations nationalistes, et qui voulaient créer une société sur des bases nationalistes. Je vais pas donner les détails de qui, quoi, comment, etc. Mais leur idée, c'était pas comment je peux faire pour collaborer avec l'Allemagne. C'était même assez éloigné de leur motivation, en tout cas de ceux que j'ai connus. Qui m'ont dit, mais c'était ahurissant. Enfin, l'ambiance, c'était une ambiance de meurtre généralisé. N'est-ce pas? Et les suspicions suffisaient à valoir condamnation dans beaucoup de cas. Et il m'a dit, bah, moi, curieusement, vivant là-dedans, il s'est dit, je pensais qu'ils viendraient me tuer. Et j'ai jamais vu personne. Mais j'ai eu du bol, quoi. D'autres ont eu moins de chance, ceci étant dit. Enfin, ils n'ont pas été fusillés, mais ils ont. Mais ça a été assez difficile, quoi. Et il faut bien comprendre que c'était des Rouges fanatisés pour lesquels la révolution était arrivée. Ça y est, c'était le grand soir. Les Allemands étaient partis, d'accord, mais c'était pas la fin du match. C'était le début du grand soir, le début de la grande révolution. Et là, on commençait à tuer. C'est là qu'ils ont eu le pouvoir. Hein, enfin, entre ils se sont créés des baronnies. Ils ont même essayé de créer des républiques soviétiques, ou des micro-républiques soviétiques. Moi, ils appelaient ça les zones libérées. Dans les pays de l'Ouest. Mais oui, dans le sud-ouest de la France, bon, les rues Maurice-Thorez sont toujours là. Tout à fait. Tout à fait. Il n'y a pas que là, d'ailleurs. Ben, c'est surtout quand même là. Hein. Mais par contre, on va pas s'attarder là-dessus, mais l'histoire de Maurice Thorez mériterait d'être racontée, parce que d'ailleurs le Parti communiste est assez discret sur Monsieur Thorez. Même les Russes étaient embarrassés par ce. Bah oui. Reprenez-le, on ne sait plus quoi en faire. Hein. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Donc bon, là, on parle à brûle pour point sur ce 8 mai 45, mais. Je veux dire, c'est quand même crucial de comprendre que quand les gens parlent de... Aujourd'hui, on utilise le mot politiquement correct. Le politiquement correct, ce n'est que le prolongement de la terreur de l'été 44, puis du tribunal de Nuremberg. Il n'y a pas de politiquement correct, c'est-à-dire de terrorisme intellectuel... démocratique et de gauche, si il n'y a pas... comment dirais-je, cette espèce de soif de destruction à la fin de la guerre, parce que ils ont voulu faire la révolution, et ils ont fait la révolution. Et ils ont changé les bases de la société pour que la société soit radicalement différente de ce qu'elle avait été jusqu'alors. Et vous en voyez les résultats autour de vous. Vous ne pouvez pas les rater. Ah, c'est radicalement différent, je te confirme. Ah, c'est radicalement différent. Maintenant, on entend l'appel du muezzin à Nice, j'ai vu ça récemment, donc oui. Je préférais quand même la présence italienne, hein, entre nous soit dit. C'était quand même... À tout prendre, c'était quand même un peu plus... C'était quand même un peu plus charmant, hein, je veux dire. C'est vrai que ça valait quand même le coup de foutre des fortifications Vauban dans les trous dans des les Alpes, montagnes, oui. Ouais, pour en fait te faire pour envahir dans du fascisme. Bon, c'est un petit peu dommage, quoi. Hein. C'est un gaspillage aussi. Oui, c'est presque aussi. Alors, c'est pas perdu pour tout le monde, hein, par contre, je précise. Oui, peut-être que les Arabes l'utiliseront à l'avenir pour se préparer. Non, je veux dire, tout cet argent consacré à la défense de la France républicaine contre. Y compris contre le fascisme italien, n'a pas été perdu pour tout le monde. Moi, je pense que les Juifs considèrent que c'est l'argent qui a été bien utilisé. Ah, mais ça, certainement. Les fortifications Vauban plus loin de la frontière italienne pourraient être utilisées à l'avenir pour aller donner aux Italiens pour qu'ils se protègent de l'arrivée des Bougnoules venus de France. Attendez, pour le moment, pour le moment, c'est les Italiens qui nous envoient les nègres par la frontière franco-italienne. Mais bon, on ne sait pas, hein, je veux dire, peut-être que l'inverse va peut-être arriver aussi, je ne sais pas. Avec on commence à avoir un sacré réservoir de nègres en France, hein. Donc on ne sait pour plus, les Italiens. Hein. On ne sait plus qui envoie des nègres à qui dans toute cette affaire. Alors d'ailleurs, je profite parce que tu parles de cette importation de nègres en Italie jusqu'à la France. Oui. Je profite pour te dire que la chose est toujours en cours, c'est-à-dire que les nègres tentent toujours, tous les jours, de passer par je l'ignorais. La route. Ah ouais, j'avais cru que ça avait disparu. Ah non. Par la route et le train. Ouais, non, toujours par le train aussi. Par le train aussi, hein. Voilà, j'ai des témoignages. J'ai d'accord. Et mes yeux qui traînent un petit peu dans ces endroits-là. Et les nègres arrivent toujours. La vallée de la Roya, hein, désormais très célèbre. Oui. La vallée des nègres, on devrait l'appeler, moi, je pense, que c'est beaucoup mieux. Nous avons nos yeux. Le rocher aux singes. Le rocher aux singes. Non, c'est pas vrai, la vallée, c'est une vallée de... c'est magnifique, c'est merveilleux. Oui, mais c'est très mal fréquenté. Très mal fréquenté, ça devrait être... Enfin, la route devrait être déjà dynamitée. Moi, j'ai des témoignages là-dessus, attention, hein, de première main, de gendarmes, enfin, pour le coup, qui recevaient des consignes de ne pas intervenir. Hein. On leur disait alors d'observer, mais de ne pas intervenir. Et là, vous avez vu, là, une décision de justice a été rendue... la semaine dernière, en faveur de Cédric Herrou, où on a expliqué... Oui, voilà, un appel. La jurisprudence Cédric Herrou. Voilà, maintenant, en France, l'extrême-gauche peut violer la loi et aider à l'infiltration de migrants clandestins, peu importe d'ailleurs leur motivation, hein, ces migrants clandestins, quelques djihadistes quand même dans le lot, c'est permis, c'est normal, c'est moral. Voilà. Donc les juges se sont arrangés avec le droit, hein, comme des rabbins à l'occasion d'un pile-poule. Ils ont dit oui, mais vous comprenez, si on truc comme ça, voilà. Voilà, c'est permis. Charré. Alors, c'est permis. Et même quand tu veux faire respecter toi-même la loi, par exemple, en génération identitaire, bah, tu te prends même des amendes, des procès, des trucs comme ça. Ah non, dans le cas de génération identitaire qui a très symboliquement déployé qui a simplement rappelé qu'il existait une frontière française. Ça avait échappé à certains. Ils ont arrêté physiquement personne. Hein. Mais qui avaient rappelé l'existence d'une frontière, ils ont été condamnés pour certains d'entre eux à 6 mois de prison ferme. Pour avoir demandé l'application de la loi française sur le territoire français. Pas la loi fasciste, je sais pas, de l'état de Vichy ou je ne sais quoi. La loi républicaine. La stricte application de la loi républicaine sur le territoire français. 6 mois de prison ferme. Parce que là aussi, les juges... comme des rabbins à l'occasion d'un pile-poule, ont trouvé toutes les justifications possibles. Donc, c'est ahurissant à quel point ces bandits en robe noire parviennent à faire la révolution, parce que là aussi, au plan de la magistrature, la subversion marxiste a eu lieu depuis 50 ans, depuis les années 60. Si vous ne savez pas ce que c'est, référez-vous au syndicat de la magistrature, à son rôle dans la défense des pires bandits. Je pense notamment à... comment dirais-je, au frère Goldman. Oui, oh oui. Dont on parle trop peu. Vous ne connaissez pas l'affaire Goldman? Je vous invite à vous intéresser à cette affaire. Vous découvrirez les charmes, comment dirais-je, à la fois de la culture ashkénaze, Surtout du goût du sang des Ashkenazes, très intéressant. Et de leur protection au sein de la magistrature, grâce au lien de l'extrême gauche, notamment l'extrême gauche trotskiste. Ah oui, tout ça, il faut le savoir. Cher Gandalf, me permettrais-tu de faire un petit appel à nos auditeurs, sympathisants en tout genre. Là, l'été approche, vous ne savez peut-être pas quoi faire cet été. Vous êtes là chez vous, bon. Eh bien, vous avez possibilité de faire de vous améliorer physiquement, de faire de self-improvement, physique. Amélioration voilà. Personnelle. Vous pourriez cet été, début d'été, début juillet, début août, fin août, peu importe. Hein, en fait, si ça quadrille, c'est encore le mieux. Vous pourriez venir dans cette vallée de la Roya, donc de Ventimille à Tende, en passant par Bray et par d'autres villes, comment ça s'appelle, j'ai oublié, peu importe. Vous pourriez venir faire de la randonnée dans ces endroits, c'est qu'ils sont très beaux, hein, c'est magnifique. Vous avez des niveau végétal, minéral, de la faune, c'est très beau. Et si vous croisez des nègres, vous pourrez toujours avertir la gendarmerie. C'est quelque chose de oui, intéressant. C'est, oui. Bon, et donc ils font pas grand chose, ceci étant dit. Hein, mais bon. Non, quand on les alerte, au moins ils viennent les chercher, ils les ramènent en Italie. Donc c'est déjà de l'argent des contribuables français bien employé. Bon, là je te le concède. Oui. Non, mais c'est pas grave, c'est déjà. Ce sont des petits combats, mais déjà, si vous allez là-bas faire de la randonnée, vous allez améliorer grandement votre condition physique parce que le relief, le dénivelé, déjà. Et puis bon, ça vous permettra de retarder de quelques jours en tout cas, de quelques semaines peut-être, l'invasion de violeurs nègres. Nègres. Permettra potentiellement de sauver des vies. Donc, moi, si on a des auditeurs qui ne savent pas où aller en vacances, je leur sollicite grandement leur présence, grandement leur présence dans la vallée de la Roya où les prix des logements sont très très très abordables et vous pouvez vous rendre utile. Alors, rendre utile et profiter de la nature et puis bien heureusement dénoncer les nègres qui essaient de passer dans les montagnes. Si on a 40 types là, qui nous écoutent, qui vont quadriller la vallée de la Roya tout l'été, bon, mais il n'y a pas un nègre qui passe. Voilà, c'est tout. Hein. Ça ferait un bordel monstre, hein, ceci étant dit. Sortez de chez vous, sauvez des vies. Mais vraiment, mettez-vous au trail. Prenez-vous des bonnes godasses, commencez à cavaler, mettez-vous au trail. Le trail, c'est la vie, c'est génial. Rubrique numéro 1, courrier des lecteurs, après ce long commentaire accordé à la réaction de notre auditeur. Alors, bonjour chers camarades participatifs, je vous écris ce petit courrier pour vous partager une anecdote du déconfinement. Oui, nous sommes rentrés dans le déconfinement. Me rendant lundi au travail, j'ai pu croiser dès 7h du matin un flic en tenue civile planqué dans un buisson, pointant avec son radar les gens qui roulent à plus de 80 km/h sur des lignes droites. Après en avoir discuté avec quelques personnes, il s'avère qu'ils étaient planqués simultanément sur toutes les grandes routes du secteur pour taxer l'égoïme qui reprenait le travail. Cette république est formidable. Elle séquestre les gens chez eux pendant 2 mois, détruisant par la même occasion des pans entiers de l'économie, et quand elle décide enfin de nous libérer un peu, elle taxe dès l'aurore les prolétaires blancs qui ne sont pas encore au chômage. Pour déclencher une révolution, on ne fait pas mieux. Et c'est signé un à rien. Ah, je ne savais pas que dès le premier jour du déconfinement, lundi, 7h du matin, les flics étaient en train de taxer les goy sur les routes. C'est extraordinaire. Tout est bon pour faire du pognon. Hein. Mon cher Derek, est-ce que tu pourrais nous raconter l'anecdote que tu as vue passer entre tes mains par rapport à une gendarmerie des Hautes-Pyrénées, je crois? Oui, enfin, c'est une. C'était quoi? C'était le truc où une nana a posté ses trucs sur Facebook et puis ils l'ont attrapé après, c'est ça? Ouais, oui, voilà, enfin, c'est ça. Ah, oui, puis... non, c'est ça. Oui, c'est quand la gendarmerie, parce qu'il y a des pages Facebook de la gendarmerie pour chaque département. La gendarmerie pour chaque département. Alors, ils ont que ça à foutre, franchement. Les types expliquent leurs exploits. Alors, bon, moi, quand je vois les exploits qu'ils égrènent, j'ai du mal à comprendre en fait ce que je lis dans les faits divers où il y a des trucs vraiment et ce que ces gens me racontent quoi de leurs activités. Et la semaine les dernière, gendarmes sont les plus gros enculés de la terre quoi, c'est à dire que les types ils sont là, ils élaborent des plans pour se dire putain là par rapport à tout ce qu'on a eu sur les 3 derniers mois. Là, si on se place comme ci, comme ça, à tel ou tel endroit, là, à l'endroit à X ou Y, on va attraper des gens, on va les niquer. Et ben c'est ce qu'ils font, ces fils de pute. J'explique vite fait le contexte, peut-être. Vas-y. Eh ben, en fait, donc c'était la gendarmerie des Pyrénées de je ne sais plus quel coin. Elle était très heureuse de communiquer parce qu'elle avait attrapé un bonhomme qui se baladait en fait en montagne, seul. Et qui postait des photos de ses exploits pendant le confinement. Mais le type était seul, quoi. Seul. Donc des photos d'arbres, d'écureuils, je présume. Hein. Ouais, c'est ça. Et donc, t'avais pas. Voilà, le mec était tranquille, comme ça. Se baladait, il prenait l'air. Donc, à la limite, il faisait pas de mal. Il riait un peu du fait du confinement. Ok. Mais bon, la gendarmerie a pris la chose très au sérieux. Attention, attention. On paye des impôts, ça sert. Hein. Et donc, ils ont mené une enquête, les types. Hein. Les types, ils ont fait une enquête, ils ont dépêché des flics. Et donc, ils ont mis des moyens pour choper, rendez-vous compte, ce terroriste du oui, confinement. Oui, et puis pour lui mettre, à la clé, c'est 135 euros, hein, c'est ça, à la clé, c'est ça. Oui, et puis surtout, après, ils l'ont mis en face de ses responsabilités, donc par rapport à toutes ces infractions nombreuses, hein, puisqu'il s'est évadé de chez lui à plusieurs reprises, rendez-vous compte, les gens, ils sortent de chez eux, donc ça, c'est quand même... Non, les blancs sont mis face à leurs responsabilités, les bougnoules ont carte blanche. Et après, ils s'en vantent. Alors ça, c'est énorme. Ils se branlent, du coup. Hein. Ils se vantent sur les réseaux sociaux après pour dire, regardez, on est quand même payé à faire des choses productives. Quoi. Voilà. Bah, peut-être que les Français devraient commencer à leur dire un peu ce qu'ils pensent, hein, sur leur page. Hein. Je crois que justement, sur les réseaux sociaux en question, ouais, c'était pas piqué des hannetons. Ouais. Bah oui, je sais pas. Peut-être que ces gens-là, ils ont peut-être que ça à branler, mais peut-être que ceux qui les payent, à savoir les contribuables, ont peut-être une autre conception de leur mission. Il faudrait quand même se rendre compte d'une chose. Si la police allemande se permettait le millième de ce que font les forces de l'ordre françaises, je ne vous explique pas le délire au niveau des médias. Certains d'entre vous, peut-être, ont connu la merveilleuse époque des manifestations du nucléaire en Allemagne, pour le rapatriement des déchets. Il faut savoir que la police allemande n'a pas de lanceur de grenades, n'a pas le quart de ce qu'a la police française. Et en face d'eux, ils avaient les grunes. Alors, les grunes allemands, à côté des Black Blocs, franchement, les Black Blocs, c'est des enfants de cœur. Eh bien, les types y allaient simplement avec leurs boucliers et leurs matraques, les gaz lacrymogènes et les autopompes, point barre. Si on reprend l'historique, même la Feldgendarmerie ne se serait jamais permis quoi que ce soit vis-à-vis du peuple allemand. Et en France, t'as un uniforme, t'es flic, t'es gendarme, tu peux déconner tant que tu veux, tu seras toujours couvert, il n'y a aucun problème. Ça dépend parce que quand tu frottes d'un peu trop près un bougnoul, ça peut quand même mal se mettre. Hein, dans ces cas-là. Oui, mais là, attends, tu touches directement au WWF. C'est des espèces protégées. C'est vrai, je te l'accorde. Mais comment dire, j'ai été frappé. Je voyais ça là. Vous savez, avec le déconfinement, il y a eu, je sais pas quoi, il y a eu quelques, enfin, ce qu'ils appellent les gilets jaunes. Bon, pour moi, c'est pas des gilets jaunes, c'est des gauchistes, mais. Qui se sont rassemblés ou quoi. Et j'ai vu la police qui était déployée. Hein. Bon. Je suis quand même très étonné de la transformation de la police française. au niveau de l'allure. J'ai vu là, et c'était pas une unité d'élite, hein. C'était pas du tout une unité d'élite, hein, ce que j'ai vu, hein. C'était la police nationale, quoi. Les mecs étaient en treillis noir, Rangers, équipement tactique, cagoule, des casques de moto, dernier cri. Je me suis dit, c'est quoi? Vous savez, je repensais à ce film très connu avec Gérard Jugnot, c'est Pino, simple flic. Vous l'avez peut-être regardé, ce film-là. Vous savez, avec les paniers à salade, etc. C'était à l'époque. Eh ben, je me suis dit, il s'est passé quelque chose, parce que entre Pino, simple flic, et ça, y a, enfin, on est dans autre chose. Et en fait, ce à quoi on assiste, c'est un phénomène qui existe aux États-Unis depuis un bon moment maintenant, mais aux États-Unis, c'est encore plus impressionnant. C'est la paramilitarisation de la police, où vous avez de plus en plus de mal, alors non pas quant à son efficacité militaire, parce que la police reste une force civile, donc elle n'a pas le même, bon, c'est pas le même entraînement, c'est pas les mêmes capacités, mais quant à l'allure, quant à l'aspect, c'est de plus en plus difficile de distinguer des soldats de policiers. Ça devient de plus en plus difficile. Aux États-Unis, ça devient très compliqué. La différence se fait, en fait, avec le camouflage. En fait, c'est la chose qui les distingue. Sinon, ça, c'est pratiquement impossible. Vous voyez des Rangers, etc. Les types sont équipés exactement comme des soldats américains que vous pouvez voir en Afghanistan, en Irak et ailleurs. Je veux dire, c'est les casques, les armes automatiques, etc. Enfin, c'est très, très impressionnant. Et on déploie ces gens-là. Non pas en cas, si vous voulez, de fusillade ou quoi, hein. On les déploie simplement pour patrouiller dans les rues. Si jamais il y a parfois un incident, vous voyez tout d'un coup des mecs comme ça qui arrivent. Bon, ça fait une très forte impression sur la population. Et je constate qu'en France, on voit la même tendance. Et le mouvement des Gilets jaunes a accéléré le truc. Et je tiens à rappeler quand même, parce que, vous savez, là, ce qui va se passer, je pense qu'ils vont lever symboliquement le confinement, mais en fait, ils vont faire passer toutes les mesures du confinement dans le droit commun. Donc, en fait, le déconfinement, il n'existera pas, en fait, en réalité. Toutes les dispositions, les décrets, ça sera passé dans le droit commun, ça sera la nouvelle loi. Et exactement comme avec l'état d'urgence. Ils ont levé l'état d'urgence en France, oui. Sauf que toutes les dispositions de l'état d'urgence ont été passées dans le droit commun. Et une des mesures qui a été prise, très symbolique, c'était le fait pour des policiers d'avoir le droit d'avoir des armes automatiques. Vous savez, telles que vont les recevoir d'ailleurs en dotation les militaires français, là, bientôt. Vous savez, le FAMAS va être remplacé. Bon. Là, on se dit, c'est bizarre quand même, quoi. On a vu des manifs de gilets jaunes où il y avait des policiers qui avaient des armes automatiques entre les mains autour de manifestants. C'est quelque chose est en train de se passer. Il y a deux Oui. jours d'ici, deux ou trois jours d'ici, l'humoriste Dieudonné s'est vu confisquer son bus par des gars sans aucun identifiant de police, masqués, Ah, ils l'ont cagoulés et confisqué son armés. bus? Ah, je savais pas. Ah oui, il s'est fait confisquer son bus et d'après les dires, il semblerait qu'il y avait une voiture banalisée avec le préfet de police et le ministre de l'Intérieur dedans. Oh, je crois pas qu'ils auraient dépêché ces mecs-là sur place à ce point-là. Ou alors, à moins pour foutre la bonne, mais ça me surprend quand même. Je trouve que c'est quand même. Préfet de police à la limite, mais. Vas-y, Fulbert, vas-y. Si tu le permets, Gandalf, tu as fait un parallèle entre les forces de l'ordre américaines et les forces de l'ordre en France. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'aux États-Unis, les citoyens, dans pratiquement tous les États, ont le droit de détenir et de porter une arme. On peut éventuellement comprendre l'équipement très développé, militarisé des forces de l'ordre. Mais en France, ce n'est pas le cas. Il est difficile d'obtenir une arme, ce n'est pas très simple. Et de toute façon, on ne peut pas la porter, sauf pour se rendre au stand et en revenir. Et ça va durer ce que ça va durer, parce que je crois que tôt ou tard, on obligera les gens à déposer leur arme au stand et à l'y laisser. Mais peu importe. Donc, on peut comprendre aux États-Unis le suréquipement des forces de l'ordre, mais ça ne s'explique pas dans un pays comme la France ou la Belgique ou l'Allemagne, un pays européen, pas du tout. Alors, je veux répondre à ton observation, qui est intéressante. De la vie des Américains, bon, moi je rapporte ce que disent les Américains qui vivent au quotidien, les rapports avec la police ont considérablement changé. C'est-à-dire que si c'était la question de l'armement, les Américains peuvent s'armer depuis toujours. Et les Américains ont toujours possédé des armes. Donc ce n'est pas une donnée nouvelle aux États-Unis. La militarisation visible de la police, c'est que c'est un phénomène qui a environ une vingtaine d'années, en fait. Hein. Un peu plus d'une vingtaine d'années, en fait, ça a été déclenché essentiellement à la faveur du 11 septembre 2001. C'est là que il y a eu le Patriot Act, etc., et où la police a commencé à visiblement se militariser. Jusqu'alors, vous aviez ce qu'on voit dans les films des années 70, c'est-à-dire le flic en chemise avec son étoile, vous en avez encore, mais, comment dire, ce n'était que ça, la police. Ça n'était que des gens comme ça, et qui avaient une approche vis-à-vis de la population qui était une approche amicale, c'est-à-dire que il y avait encore une homogénéité. En fait, on voit, à mesure que la société américaine devient multiraciale, et où les Blancs basculent en minorité, parce qu'il y a beaucoup d'États, beaucoup de villes, de toute façon, toutes les grandes villes des États-Unis, toutes les capitales des États des États-Unis, c'est-à-dire la capitale du Texas, la capitale de l'Alabama, etc., sont à minorité blanche, il faut le savoir. Les gens ne le savent pas, il faut le savoir. Il n'y a qu'un État ou deux qui échappent à cette règle, un État comme le Montana et un autre qui m'échappe. Tous les autres États, sans exception, y compris, je veux dire, dans le Middle West, etc., hein, leur capitale est à minorité blanche. Okay. Et surtout le Texas. Le Texas, par exemple, c'est hispanique. Tout à fait. Donc, c'est une société qui a considérablement muté en, on va dire, 40 ans, et où le degré de confiance, en fait, s'est complètement effondré. C'est-à-dire que les flics, je reconnais ça aussi, les flics ne savent pas exactement dans quoi ils vont tomber. Donc, ça, c'est vrai, je ne vais pas le nier. Mais la militarisation de la police aux États-Unis est tout à fait impressionnante, hein, tout à fait impressionnante, et elle a été considérablement accélérée par le 11 septembre, et de l'aveu, de l'aveu de ce que disent une bonne partie de la population, les rapports avec la police deviennent quand même beaucoup, beaucoup plus musclés. Les policiers sont beaucoup plus musclés qu'ils ne l'étaient auparavant aux États-Unis. En France, sur la base de mon expérience, je vais pas faire une généralité. D'abord, je distinguerai, par exemple, parce que vous avez des officiers dans la police. Bon, les officiers, c'est pas tout à fait. Déjà, il faut distinguer la gendarmerie de la police. Deux états d'esprit très différents. Et ensuite, les officiers dans la police nationale. Là aussi, il faut regarder, est-ce qu'on a affaire à un lieutenant, un capitaine, ou est-ce qu'on a affaire à quelqu'un qui... Les officiers de la police, c'est des francs-maçons, déjà. Donc, ça dépend le niveau. Quand t'as affaire à un lieutenant... Si c'est un lieutenant, ouais, bof, quoi. Peut-être pas lieutenant, oui, effectivement. Non, lieutenant, non, c'est plutôt des gens, d'ailleurs, qui seraient très, très proches de nos idées, pour une partie d'entre eux, en tout cas, parce qu'ils écument à l'endroit. Je dis pas tous, attention, hein. Pas tous, hein. Mais bon, il y en a qui pensent très très bien aussi. La gendarmerie, déjà le caractère militaire, bon, qui ne me dérange pas, mais bon, les rend quand même plus rigides. Par contre, des officiers très, très, très hautains vis-à-vis de la population, pour ne pas dire méprisants. Hein, ce sont des gens qui ont une très haute estime d'eux-mêmes et qui affectent de le faire savoir aux citoyens, hein. Donc voilà. Oui, il faut quand même savoir que ce sont des gens qui souffrent d'avoir raté Saint-Cyr, hein, qui sont allés à la gendarmerie parce qu'ils ont raté Saint-Cyr, pour le coup. Hein, ils ne sont pas allés à l'armée, ils ont fait les trucs à côté, ils sont passés par les voies de garage. Ouais, ça se ressent. Et alors ces grands officiers là, alors là on peut parler, moi je ne veux pas raconter ma vie, mais bon, j'ai quand même eu affaire à des officiers à 5 barrettes. Ils étaient infects. Et je peux vous dire qu'ils c'était des gendarmes antifascistes. D'accord ? Bon, quand vous voyez des officiers supérieurs antifascistes, ça vous fait marrer quand vous lisez ensuite la prose de ce que vous pouvez trouver sur, comment dirais-je, les publications de l'action des Antifa, etc. Où les mecs essayent de vous présenter les flics comme la milice, enfin les gendarmes, comme la milice avancée du capital, les mecs, sous chaque képi, il y a un nazi en gestation. Donc c'est du délire. C'est du délire. La France a complètement et avec succès rééduqué ces forces de l'ordre qui sont toutes, dont toutes les branches et dont le personnel est très majoritairement archi-républicain. Archi-républicain. Ces gens-là croient et à ce régime. Attention, plus tu montes dans les grades, plus ces gens sont passés à travers les filtres du système. Oui. C'est-à-dire que plus ils sont gradés, plus ils sont totalement convertis à la cause. Hein. Totalement. Tu parles des cinq bandes, donc du cinq panache, hein, ou du cinq plein. Hein. C'est effectivement des gens qui sont. Ah là, c'est Franck. Ah là, ça, c'est Franck, Franck de chez Franck. Oui, donc le lieutenant-colonel ou le colonel, pour le coup, c'est les cinq bandes. C'est quelqu'un qui va gérer une caserne, une entité, etc. Ce sont des gens qui ne sont plus en communion avec le réel. Ils n'ont pas de... C'est-à-dire que quand tu leur envoies des militaires du rang, ou des matelots, ou des... Bon, peu importe, ils sont là, ils ont une espèce de... d'admiration pour le prolétaire, c'est comme des communistes en fait, hein. C'est marrant à voir, hein. J'ai expérimenté la chose, mais ils sont complètement largués, ils sont là, ce sont des comment te dire ça, ce sont des reliquats de ce qu'a pu être l'armée française. Voilà. Oui, encore que dans l'histoire de la gendarmerie française, il y a des pages de gloire un peu trop peu racontées, selon moi. Notamment, parce que les gens l'ignorent, le fait que les gendarmes avaient le bon goût de se situer à 100 mètres des troupes françaises en 1914 pour donner l'élan à la troupe. Hein. C'est-à-dire, si jamais vous reculiez un petit peu trop, parce que vous risquez de vous avec faire... Avec des revolvers, hein, n'est-ce pas ? Voilà, donc il y avait des gendarmes pour vous tirer dans le dos. Bon, c'est un drôle de métier quand même, hein, historiquement en France. Je tiens quand même à le dire parce que ils aiment pas trop qu'on en parle parce que Oui, parce qu'ils se sentent auprès du peuple. Oui, effectivement, ils sont prêts, ils sont prêts de leur nom. Ils étaient prêts. Alors, mais moi, je. D'où l'expression commissaire du peuple, d'ailleurs, peut-être. Ce que je vous dis, je le tiens de ma famille. Je l'ai lu ensuite dans la littérature de la guerre, mais j'avais des témoignages directs de cette réalité. C'est-à-dire que les mecs en pantalon garance, hein, voilà, bon, allez, faut aller déloger les boches du bosquet en face, là. Et derrière, à 100 mètres, t'as les bleus. Hein, et on te le dit, hein, on dit, hé, les gars, si vous reculez, les mecs, ils vous allument. Hein. Donc, d'où l'expression être pris entre deux. Belgique, les gendarmes belges avaient un surnom très amusant qui était les tueurs de piottes. C'est-à-dire que c'est exactement comme en France. Dès qu'ils voyaient un gars qui reculait, ils les abattaient sans aucun problème. Voilà, pouf. Ouais. Je précise, on ne parle pas de déserteurs. On ne parle pas de gens qui ont fui la première ligne. Sur un non, deux, trois kilomètres. Non, voilà, simplement ils reculent sous la pression. On parle de types qui sont partis en ligne, puis ils ont vu les 400 types qui étaient à côté d'eux, les mecs se sont fait exploser la cervelle ou le foie ou la bile ou le mollet, la cuisse, etc. Et bon, ben je rentre à la maison. Ah, tu rentres ? Bon, t'es mort. Voilà, salut. C'est même pas je rentre à la maison, c'est simplement je décroche de 100 mètres parce que... Oui, je décroche, je vais me replier. Ouais, c'est ça, je vais me replier. Et la République est là pour te rappeler que non, tu ne te replies pas, tu vas crever. Tu es là pour crever contre l'Empire. Tout à fait. Et on a des cas, parce qu'il faut, faut mesurer la chose, on a des exemples comme ça. Il y avait des témoignages que vous pouvez retrouver. Hein. Il y a beaucoup de, sur YouTube, vous avez trouvé beaucoup de témoignages de poilus filmés, de poilus qui vous disent qu'ils ont vécu, donc leur bataille à eux. Vous en avez plein, des témoignages comme ça, où les types arrivent, il y a une compagnie, 200 mecs, 200 bonhommes, hein, qui, ils reçoivent l'ordre d'avancer, et je parle à l'été 14, donc au tout début. Quand les troupes sont dans la garde mouvement là. Bon, on leur dit d'avancer, il y a des mitrailleuses allemandes en face. 3-4 mitrailleuses, bon. C'est très clair que c'est du suicide. Bon, ils reçoivent l'ordre, vous devez quand même y aller, ils y vont. Bon, en 2 minutes, t'as 200 mecs qui sont par terre. Faut mesurer le truc, hein. T'as 200... Tous les mecs sont morts, ou pratiquement, ou en train d'agoniser. Si par hasard, t'en as 10 ou 15... qui font le chemin inverse en disant là on n'y arrivera pas, c'est là que tu as ce type de client pour t'abattre. Bon. Je répète, c'est très dommage que cette tradition de la gendarmerie ne soit pas rappelée plus souvent. Ça permettrait peut-être de mesurer certaines choses plus contemporaines. Ah, mais il suffit simplement de leur poser la question, vous étiez où à la Première Guerre mondiale? Il y a peut-être quelques-uns qui sont portés volontaires pour rentrer dans la troupe, mais pas tous, ça c'est sûr. Oui, très peu à mon avis, mais ça c'est bon. Je vais encore me permettre d'évier, encore une fois, hein. c'est une digression qui me vient assez souvent, mais ces gens-là, effectivement, qui reculaient face aux balles, bon, certes. Mais par rapport à ce qu'ont pu endurer les soldats enrôlés dans les troupes de l'Empire pour la campagne d'Espagne, où là, vous les envoyez clairement se faire trouer la peau, ou se faire dépecer dans des... Oui, tu nous as parlé de ça, oui. Voilà. Il faut quand même relativiser. Effectivement, les Français ont été, dans les derniers siècles, fortement utilisés comme char à canon. Ah bah oui, oui. Hein, C'était une char à canon particulièrement... recherchée, oui. Des juifs, oui, non mais oui, hein, je veux dire. Mais pas que les juifs, pas que les juifs. Pas que les juifs, bon, nous avions aussi ça serait quand même, un petit peu... Ça serait quand même un petit peu simplifié de dire que ce n'était que les juifs. Que c'était non, mais ce serait un petit peu aussi injuste de ne pas les citer. Ça serait effectivement... Ça serait un manque. Bien sûr. Mais voilà. Mais il n'y avait pas que. Ça fait quand même au moins 200 ans que le français qui aime adhérer à un projet qui le dépasse... se le prendre bien profond dans l'oignon. Mais justement, je pense, et ça, permettez-moi, là ça fait un peu le raccord avec ce qu'on disait sur le 8 mai, mais il faut quand même reconnaître aux communistes, parce que vous savez, il y avait les fameuses internationales, n'est-ce pas ? Il y avait eu la première internationale, la seconde internationale, qui était l'internationale socialiste. Et l'international socialiste s'est écroulé en 1914 quand tous les partis socialistes des différents partis européens votent les crédits de guerre à leur gouvernement. C'est-à-dire qu'ils apportent leur soutien à l'effort de guerre de leur pays. C'est-à-dire qu'ils rompent avec la solidarité entre tous les travailleurs, comme c'était l'idée socialiste de départ, entre les prolétaires donc, pour soutenir les guerres bourgeoises, la guerre bourgeoise de 14-18. Bien, les communistes appellent ça la guerre impérialiste. Et en 19, les communistes vont, enfin à la faveur de la révolution en Russie en 18, mais ensuite en 19, les communistes vont tirer les leçons de cette guerre-là et vont dire, vous avez vu ce qui se passe quand vous donnez carte blanche à la bourgeoisie des différents pays dans lesquels vous vous trouvez. C'est pas vous qui gagnez, parce qu'au final, c'est les ouvriers de votre pays qui vont se faire assassiner, etc. Bon, ça, c'était le discours, je vais pas m'attarder là-dessus, mais ils ont su, au moins, de leur point de vue révolutionnaire, ils ont su quand même analyser de manière critique la situation, et acté du fait qu'ils avaient échoué. C'est là-dessus, d'ailleurs, que le Parti communiste est né. C'est-à-dire c'est la scission au sein de la mouvance socialiste, de la SFIO, c'est la scission des éléments, en réalité, pacifistes et révolutionnaires, pour former un vrai parti révolutionnaire et non plus un parti socialiste bourgeois qu'était la SFIO. Bon, j'ai l'impression, quand on parle là de ces histoires de gendarmes, que en tout cas en France, je m'exprimerai que pour la France, il n'y a aucun bilan qui est dressé dans nos milieux sur... Il y en a qui le font, je ne dis pas que tout, personne ne le fait à titre individuel, mais je trouve que dans les mouvements, ce point de vue critique et intransigeant n'est pas assez formulé. C'est souvent des postures purement réactionnaires face à quelque chose de court terme, de conjoncturel, qui est particulièrement, c'est vrai, urticant, comme l'immigration, je suis d'accord, mais ça pêche quand même énormément par manque d'analyse critique, j'allais dire, plus générale, quoi. Je suis assez frappé par cette indigence. Voilà, c'est deux guerres mondiales. Pourquoi je dis ça? C'est parce que tu disais, depuis deux siècles, il y a beaucoup de Français qui se sont fait trouer la paillasse sur des tas de champs de bataille, et au final, c'était pas vraiment pour leurs propres intérêts, tu vois. Et ça appelle pas du tout pour l'envers. Ben voilà, mais ça appelle quand même à une réflexion. C'est-à-dire, si pendant deux siècles, t'as des gens par millions qui se font assassiner, ça. Charles Maurras arrive, la France, Germain méchant, etc. Voilà, Germain méchant. Voilà. C'est intéressant. Bon, je caricature, mais c'est quand même quelque chose. C'est un discours que nous retrouvons à l'heure actuelle dans la droite patriotarde. La droite souverainiste. Ouais, c'est ce que je disais, mais bon, là, c'est vrai qu'on dévie un peu parce qu'on parle des gendarmes au départ, donc c'est vrai qu'on arrive sur le souverainisme, c'est un peu différent. Peut-être quand même ce qu'on retrouvera dans le fait qu'à droite, je me reconnais pas particulièrement dans le terme de droite d'ailleurs, à titre personnel, mais bon, c'est autre chose, je suis pas non plus voleur, c'est pas un terme qui me fait peur non plus, mais espèce de révérence pour l'ordre établi. Moi, je suis pour l'ordre, mais pas pour n'importe lequel. Faut pas se tromper. C'est pas parce que je vois des galons sur une épaulette que tout d'un coup je ressens un besoin irrépressible de mettre en garde à vous, quoi. Pas du tout. Voilà. Mais j'ai pas non plus j'ai pas la culture gauchiste de la haine du flic pour la haine du flic. J'ai pas ça non plus, vous voyez. Mais c'est une question de bon sens, vous voyez. Ah, moi un petit peu quand même. Et chez les souverainistes, chez la droite souverainiste. Je dis la droite souverainiste, bon, je sais pas s'il y a une gauche souverainiste, mais... Non, on aime les uniformes. Ça peut être beau, un uniforme, d'accord, mais c'est pas beau en toutes circonstances si celui qui le porte fait des saloperies. Ça me paraît du bon sens. Je sais pas, c'est assez particulier. Il y a beaucoup du fétichisme là-dedans. Hein. Alors, je comprends ça chez les femmes, par exemple, vous voyez, que les femmes... trouvent un homme en uniforme très beau et très séduisant, c'est très bien, c'est très très bien, c'est normal, c'est dans l'ordre des choses, dira-t-on. Ça ne me choque pas. Par contre, qu'en politique, on cède à ce type de penchant, je ne sais pas si on n'est pas à la charnière de l'homosexualité. Il y a quelque chose de problématique quand même là-dedans. Il y a quelque chose de problématique. Encore une fois, hein, j'ai rien contre le port de l'uniforme, mais je veux dire, de vénérer l'uniforme pour les... Surtout en France, on c'est pas ça. C'est-à-dire que c'est quand, en fait, au niveau de ce que tu es autorisé à avoir comme référent culturel. Comme il y a quand même Napoléon, etc. Il y a les armées, les conquêtes, l'Empire. T'as quand même un petit peu le droit d'avoir une fierté. National, du moment que ça ne dépasse pas le 19e siècle. Bon. Oui. Et donc, l'armée étant récipiendaire des traditions, hein, tu peux avoir une certaine. Tu as droit. Quand, en restant bien sur ta droite et ta gauche, bien borné, tu peux te rester une certaine. Une transmission de cette tradition. Là. Mais il faut pas bouger, hein, pas broncher. Oui, pas être trop critique. Alors, messieurs, sur ce, messieurs, je vous propose de faire une pause musicale et on se retrouve tout de suite après pour la seconde partie de Démocratie participative. Nous revoici pour la deuxième partie de Démocratie Participative, saison numéro 5, épisode 20 déjà. Ça passe vite, 5 saisons déjà, 5 années à essayer de partager avec nos auditeurs un petit moment comme ça chaque semaine de... Plus que de vérité, hein, c'est plus de plaisir, de détente. C'est l'objectif. Donc rubrique numéro 2. Le commentaire de la semaine. Alors, comme vous le savez, chers auditeurs, vous pouvez, si vous le souhaitez, participer au forum de démocratie participative pour réagir aux articles, notamment, ou plus généralement, ouvrir un topic, poser une question, ou compulser un certain nombre d'archives. Il y a des rubriques intéressantes, notamment sur la rubrique médias. Vous allez avoir beaucoup de contenu, des BO de films, des musiques que vous connaissez pas, qui peuvent être intéressantes, etc. Des PDF. Donc il n'y a pas que la politique pure, parce que bon, la politique pure, ça intéresse quelques forcenés comme nous, mais pas forcément tout le monde. On n'est pas au même dosage, on va dire. Donc n'hésitez pas à aller dessus. Hein. Donc le forum, c'est EELB. .su, Europe Écologie Les Brins, c'est un concept qui a de l'avenir. Et donc, il y a toute une série d'échanges, et notamment le guide racial des villes sur EELB. Et nous avons eu un témoignage, c'est celui concernant le Marais Poitevin, qui a charmé un certain nombre des participants du forum, auquel d'ailleurs je passe un amical salut. Et je vous le livre. Bonjour à tous. Je vais vous parler d'un paradis sur terre qu'on appelle le Marais Poitevin. Cette terre bénie des dieux est à 99,9% blanche et s'étend sur 3 départements. Le sud de la Vendée, le sud-ouest des Deux-Sèvres et le nord de la Charente-Maritime. Elle est composée de 4000 km de canaux enchanteurs et la nature est protégée par 3 labels. Le parc naturel régional, site Natura 2000 et grand site de France. Le Marais Poitevin s'étend sur 115 000 hectares, mais la partie la plus belle et la plus intéressante est dite celle du Marais Mouillé ou de la Venise Verte qui s'étend au nord de Maizet, en Sud-Vendée, à Magné en Deux-Sèvres au sud, puis Benet en Deux-Sèvres à l'est, pour finir à l'ouest à Saint-Hilaire, la Palue. C'est dans cette partie qu'il faut s'installer. Historiquement et fondamentalement, les maraîchins privilégient l'autosuffisance, l'autonomie, l'entraide entre voisins. Ici, il y aura toujours quelqu'un ou qui connaît quelqu'un pour réparer votre voiture, refaire votre toit ou vous filer un coup de main. Le mot d'ordre, c'est le troc, l'échange et la réciprocité dans la confiance. Sinon, plus personne ne voudra vous aider et les nouvelles passent très vite dans ce milieu. Ici, pas de HLM, c'est interdit. Pas d'extension des villages, c'est soit interdit ou tout simplement impossible en raison des canaux. Le tourisme est florissant. Ce n'est pas un pays de feignants. Ici, tout se mérite, et il faut accepter cette réalité. La raison est simple. C'est l'homme qui a créé ce paradis il y a 800 ans, et la nature cherche constamment à reprendre ses droits depuis, d'autant qu'ici, elle est protégée. Donc, les bobos qui veulent leur pelouse, comme des greens de golf, je vous le dis tout de suite, vous allez beaucoup morfler. La terre est extrêmement fertile et elle l'est d'autant plus que l'eau, indispensable à toute vie, est partout. Et notre participant insiste sur ce point. Selon les villages, la population peut être assez âgée, ce qui procure beaucoup d'emplois dans l'aide à la personne, en plus de tourisme. On trouve encore, surtout en Sud-Vendée, des petites PME artisanales comme des scieries, des menuiseries, des plombiers ou toute autre activité manuelle. C'est resté un peu la France d'avant Maastricht. Les gens d'ici privilégient les entreprises locales. Elles sont bien implantées et procurent du travail. Certains habitants travaillent dans le tertiaire à Fontenay-le-Comte, à Niort ou à La Rochelle. À noter que les plages du littoral vendéen sont à une cinquantaine de kilomètres de la Venise verte. Dans mon village, le RN, le parti de Marine Le Pen, a fait 25% des voix. N'étant pas adepte de ce parti ridicule, cet indicateur peut néanmoins renseigner. Le reste est globalement socialo-gauchiste, voire communiste, comme la presque totalité de la face atlantique. Entre nationalistes, on sait se reconnaître, et nous formons avec quelques-uns de mes amis un groupe réfractaire au Bougnoul et autres chiasses noires qui pullulent à Niort ou Fontenay-le-Comte. Les jeunes sont divisés en deux groupes, à 50-50, et ça se voit tout de suite. Les jeunes sains et les autres cas sociaux dégénérés alcooliques et surconsommateurs de cannabis faciles à faire pousser ici. La plupart des villages ne sont pas endettés, la population y veille particulièrement. Le prix d'immobilier est encore à très abordable et c'est la raison pour laquelle je vous envoie ce message. Je ne souhaite pas voir arriver chez moi des bobos macronistes ou autres fonctionnaires de la région parisienne pour coloniser nos magnifiques longères en pierre de taille. Nationalistes de tous bords, venez vous installer. Ici, vous aurez tout, de la bonne terre, de l'eau et des blancs pour vous aider. À bon entendeur. Alors voilà, donc je remercie notre contributeur, le compagnon qui a un pseudonyme assez évocateur, d'ailleurs, je pourrais y revenir éventuellement, mais c'est un message donc positif, parce que on dit souvent quelles sont les zones les plus sinistrées de France. Bon, c'est vrai que c'est un peu glauque, bon, c'est pas forcément très bon pour le moral. Enfin, c'est bien quand même de faire une photographie assez précise, assez serrée du territoire français, ou de Suisse d'ailleurs, parce qu'on a eu des courriers aussi de Suisse sur ce sujet. Mais les sujets qui, enfin, les endroits qui méritent d'être connus et méritent d'être investis sont intéressants. Alors, en sachant que c'est à double tranchant, parce que, bon, on pourrait toujours avoir des crapules qui essaient de se glisser, mais je n'y crois pas tellement dans la mesure où, comme vous l'avez bien compris, c'est un territoire rural. Alors, les Bougnoules ont horreur de ça, les nègres aussi, sauf quand ils sont éventuellement infiltrés par des sales gauchistes. Donc, je dirais toujours à nos auditeurs, méfiez-vous beaucoup plus des infiltrés, c'est-à-dire des gauchias, plutôt que vraiment du bougnoul du nègre. Parce que le bougnoul nègre, vous savez, ce sont, au fond, ce sont des grands enfants. Alors que, malheureusement pour nous, d'ailleurs, les gauchias sont des blancs avec l'intelligence des blancs. Donc, quand ils mobilisent toute leur intelligence pour aider les bougnouls. Ce sont des facilitateurs, mais avec un vrai potentiel. C'est ça qui les rend extrêmement dangereux. Voilà. Donc, bon, jamais à l'abri de ça, mais alors le Marais Poitevin, que je ne connais pas et que j'aimerais beaucoup découvrir, ce participant au forum m'a rendu la chose encore plus tentante. Qui voudrait réagir là-dessus si quelqu'un connaît moi. Ou... Ah, as-tu jamais visité ou as-tu entendu parler d'eux ou simplement quelque chose? Alors, j'ai entendu parler notamment par les moustiques, mais bon, ça c'est le problème quand il y a de l'eau. L'eau peut être un avantage et parfois un inconvénient. Mais surtout, en fait, je voudrais réagir parce que oui, effectivement, la région est absolument magnifique. Il n'y a aucun problème, c'est connu. Je rappelle quand même que le débile profond qui se trouve à l'Élysée a pour mission en ce moment de répartir la charge bougnoulesque absolument partout dans l'Hexagone. C'est-à-dire que, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, ils vont hériter du lot numéro 2 860 000 B15, alinéa 4, de la fournée annuelle destinée à des engorgés, alors Paris, Lyon, Marseille, le nord de la France, et ils ne vont pas y couper, les gars. Hein. Alors, Diabolix, t'as raison, mais pose quand même un certain nombre de limites à ton observation qui me paraissent assez convaincantes, c'est notamment l'histoire de la limitation de la construction d'HLM. Pour des raisons purement patrimoniales, légales, etc. Alors tu me diras, oui, mais ils pourront toujours changer ça. Je suis pas certain quand même que l'État français, aussi fanatique soit-il, enfin, puisse, bien, ne serait-ce que esquisser l'hypothèse de, voilà. Donc je te rappelle, Gandalf, qu'on change de constitution comme de chemise, et que à l'heure actuelle, la folle du Luxembourg a été obligée de racheter une école militaire qui partait, désolé pour l'expression, en couille, puisque personne ne voulait la racheter et la rénover. Le problème du patrimoine, à partir du moment où il y a des migrants, ils s'en foutent. Hein. Non, mais je suis d'accord. Si demain ils peuvent bourrer Chambord, ils le feront. Hein. Non, mais oui, enfin, je ne crois pas. Pourquoi ? Parce que Emmanuel Macron, il célèbre ses anniversaires. Donc je pense que tant que Macron fera ses anniversaires. Ah, mais c'était. C'est un peu comme pour les jolies maisons alsaciennes, bah non, quoi. C'est-à-dire que pour les mêmes raisons qu'on ne peut pas avoir une maison, on va dire, plus banale en Alsace, si jamais vous êtes dans un quartier où il y a des couleurs chatoyantes, peut-être que là aussi, pour les HLM, je pense qu'ils n'oseront peut-être pas franchir le pas de peur de craindre une petite colère des locaux. Je voulais simplement réagir sur le. Sur ce que disait. Enfin, la petite réaction d'Astérix. La petite réaction de Diabolix par rapport à. À Chambord, c'est simplement parce que ce n'est pas parce qu'on est président de la République qu'on est forcément républicain, cher ami. Et ce n'est pas parce qu'on est monarchiste qu'on est forcément proche des idées de la monarchie. Donc, notre ami Macron est monarchiste dans la mesure où ça peut servir ses intérêts. Donc, un peu comme Giscard, il aime bien les fastes de la présidence qui sont de très pâles, d'ailleurs, réminiscences de ce qu'a été la grandeur de la monarchie française, mais pour faire ses petites sauteries avec tous les cinglés qu'il peut inviter, évidemment. Gandalf, tu as cité Giscard. Alors, j'estime que la France est en droit d'assigner en justice le coronavirus, parce que vu que Giscard nous coûte... Ne l'a pas emporté, effectivement. Non, je dis pourquoi Giscard, parce que ceux qui nous écoutent, qui sont peut-être un peu plus jeunes, qui ont une vingtaine d'années, sont peut-être pas au courant de ça, mais alors Giscard, donc, qui est une momie, effectivement, qui était président de la République dans les années 70, donc pour nos jeunes de 20 ans, ça leur semble être Mathusalem, il a organisé des chasses à cours, c'était très branché, il invitait à aller savoir qui, et il aimait beaucoup ça, etc. C'était financé évidemment sur les deniers des contribuables, et Macron, lui, alors, je vais pas dire qu'il franchit un degré, mais presque. Enfin, lui, il fait carrément ses sauteries à Chambord. Alors, vous imaginez, quoi. Il invite tout le monde. Il loge un tel dans la gare. Ils sont flattés. Alors, ils adorent Macron. Enfin, bon, c'est Louis XIV, mais sans la grandeur de Louis XIV. Parce qu'il faut quand même reconnaître. Bon, il y a quand même un certain nombre d'ouvrages sur Louis XIV. Louis XIV avait des défauts. Il avait aussi quelques qualités, notamment celle d'être un grand monarque, ce qui fait totalement défaut à ce pauvre Macron qui est une espèce de secrétaire promu. C'est victime de pédophilie. Oui, enfin, c'est surtout pas grand-chose, je veux dire. Bon, mais en fait, quand on regarde l'histoire de Macron, c'est la version masculine de Claudine de Colette. Détaille un peu, là. Mais Claudine, c'est une charmante jeune fille qui fait ses études, alors bon, qui a des relations lesbiennes parce qu'à l'époque, ça faisait bien, qui épouse un monsieur qui est très vieux et écrivain. C'est le roman de Colette. En fait, Macron, c'est carrément l'inverse. C'est Claudine au masculin. C'est très bien trouvé. Bravo. Ah oui, mais je suis désolé, c'est la réalité. Ah, dépose le brevet. Hein. Bravo. Ceci dit... Marie-Hélène Breya était quand même beaucoup plus bandante qu'Emmanuel Macron. J'ai cru que tu allais parler de sa femme. Non, sa mère, parle tu pas. Veux dire. Attends, je suis pas égyptologue, hein. Non, mais c'est pas. Bon, bref, je vais pas m'éterniser là-dessus. Bon, non, mais bon, ça me. J'ai vu des photos, là, du coup, pendant que vous étiez en train de parler, là. De quoi, de Chambord ou bien de ça? Non, du Marais Poitevin, là. C'est vrai que ça a l'air... Ah, mais c'est très connaissais beau. De nom. Will. C'est très joli, hein. Très, très joli. Non, je plaide coupable. Je suis en train de saboter un message très positif avec les conneries de Macron. Autant pour moi. Mais je vous invite, d'ailleurs, à visiter Chambord. C'est magnifique, c'est splendide. Simplement, dites-vous que Macron n'y a pas toujours fêté, célébré ses anniversaires. Il y a eu aussi des rois de France à Chambord. Donc voilà, ça a été autre chose, rassurez-vous, ça a été autre chose, ça a été autre chose. Alors pour revenir au Marais Point de Vin, oui, je ne connais pas malheureusement, donc je ne peux pas trop m'exprimer, ce serait malhonnête de ma part. J'ai quand même quelques images en tête, hein, comme tout le monde, je ne sais pas, peut-être comme toi, ces canaux avec, vous savez, c'est pas ces nénuphars, mais enfin, c'est comment dire, c'est espèce de c'est pas un glacis, mais un vernissage presque de verdure qui est très très beau à voir, alors qu'on peut cheminer hein, sur des petites embarcations un petit peu dédiées, c'est-à-dire elles ne sont pas dédiées pour les touristes, mais enfin maintenant ils les utilisent pour ça. Oui, c'est trop. 4000 km de canot. Écoute, c'est l'apprivoisement du territoire ouais. Par le génie français, le Marais de Poitevin, c'est une espèce d'apogée que tu as. C'est ça, oui. Parce que le Marais de Poitevin, c'est le génie humain, j'ai envie de dire, c'est le génie à rien en action. C'est... Ben oui, c'est le marécage apprivoisé. Hein, c'est, avec une certaine beauté, des couleurs, des. Oui, des cultures. Comment rendre quelque chose d'a priori hostile agréable? Oui. C'est-à-dire que c'est à l'époque où nous arrivions à transformer l'hostile en agréable. Oui, c'est un peu on fait l'inverse qui, de nos jours. Oui, chose qui malheureusement est arrivée et a pu se faire pendant des siècles, mais s'est heurtée à l'Algérien. L'Algérien, effectivement, ou au nègre. Alors, au début, hein, parce qu'on a très vite descendu hein, quand même, on est allé plus bas après. Oui, le nègre, oui. Ah oui. Non, mais c'est-à-dire que Français, fort de son expérience, les moines qui ont forgé le territoire, en expurgeant des marées, tu avais des maladies en creux, baroques les unes que les autres. Ah oui, oui, en creux. Mais partout, hein, sur tout le territoire. Le Marais Poitevin, bon, une manifestation des plus remarquables, mais c'est sur tout le territoire que tu as eu ces épurations de zones humides pour faire de la culture. Hein. Tout à fait. 4000, comme je le disais, hein, c'est pas moi qui le dis, je cite notre auditeur, 4000 km de canaux creusés à la main. Ça donne le vertige quand même. Alors je pensais que je me rendais pas compte. Hein. Je pensais que l'auditeur déraillait un peu par rapport à la proximité, par rapport à Niort et La Rochelle. Mais là en fait c'est moi qui me plantais. Hein. C'est vrai que c'est pas loin du tout. Bon après niveau de perspective économique, faut aussi voir hein. Si les gens veulent s'installer là-haut. La Vendée c'est très dynamique d'entre tous les départements français. Les deux de grandes villes que j'ai citées là, c'est pas des très grandes villes non plus, quoi. Je sais pas combien d'habitants. Ah non, mais attention, il faut bien s'entendre. Ce que nous dit notre auditeur et ce qui transparaît à l'évidence, c'est que nous sommes dans un milieu rural. Ouais. Périurbain. Voilà, si vous êtes dans le tertiaire, il faut réfléchir, quoi. C'est sûr, oui. Si vous êtes dans l'hypercentre de Paris, non, ça ne va pas vous satisfaire à l'évidence, c'est certain. Ou de l'hypercentre de Lyon, ou l'hypercentre d'une grande ville française, c'est sûr. Mais c'est pas ça dont on parle. On parle de la qualité de vie, on parle de comment se réaliser en tant qu'être humain. Moi, c'est ça qui me, je veux dire. Même moi, à titre personnel, en étant en vieillissant, c'est quelque chose qui nous affecte tous. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, même pour les jeunes qui ont 20 ans. Malheureusement, vous n'aurez pas 20 ans tout le temps. Profitez bien de vos 20 ans d'ailleurs. Profitez-en, abusez-en, je dirais. Mais en vieillissant et le fait de vieillir n'a pas que des désavantages. Et on avance plus en sagesse aussi, et quelque part on recherche des choses un petit peu plus authentiques. On devient un peu plus poète. On devient un peu plus poète. Voyez, on se focalise un peu plus sur la beauté des choses. On essaie de les apprécier d'une manière un petit peu différente. Alors que quand on est très jeune, on s'en fout de la beauté, honnêtement. On veut dépenser son énergie. Donc, bien sûr, quand on a 25 ans, voilà, on sort de l'école, etc. Bon, c'est pas des questions qu'on va se poser. Vous savez, on n'a pas envie de devenir un néo-rural, comme on dit. Par contre, plus tard, quand on a envie d'avoir une femme, des enfants, quand on a envie finalement de, comme on dit, de se poser, de rentrer en peut-être pas en symbiose, mais en harmonie avec un lieu, oui, ça, il est temps quand même de réfléchir très attentivement à l'endroit où on veut se trouver, quoi. Alors, c'est assez marrant parce que je vois dans nos milieux, j'assiste hein, aux discussions, parce que finalement il y a beaucoup d'échanges entre plusieurs camps. Il y en a qui disent il faut s'expatrier, il faut absolument partir très très loin, vous voyez. Ce que je ne méprise pas du tout, c'est-à-dire, c'est chacun voit midi à sa porte. Puis il y a des gens au contraire, ils prônent l'hyperlocalisme. Je trouve ça très rigolo, vous voyez, mais il y a une attitude qui est pratiquement, si vous voulez, c'est qui est en miroir, quoi. C'est en miroir, mais par rapport à un même phénomène. Je veux dire, c'est deux réactions différentes, mais voilà, qui répondent à un même phénomène. Je trouve ça, c'est. Tout est bon pour échapper à l'Afrique, hein. Tout est bon pour échapper à la France, en fait. La France ou l'Afrique, ce qui est un petit peu la même chose, hein, quand on y regarde un petit de plus près. Ça n'est pas vraiment. Alors je vois des guerres, il y a certains qui disent absolument il faut s'expatrier, d'autres non, il faut rester sinon vous êtes des enculés, etc. Bah c'est des passionnés, bon, il faut comprendre la passion. Ouais, des passionnés. C'est normal. Et la réalité se trouve au milieu. Hein, tout le temps. Bon, voilà. Bien que je ne sois pas centriste, hein, je suis. Le national-socialisme n'est-il pas une synthèse, peut-être entre le national-social, peut-être. Le national-socialisme, c'est quelque chose de très mesuré, autrement. Hein, tout à fait. Mais je le dis. Donc, nous ne sommes pas là pour trancher d'un côté ou de l'autre, nous sommes là pour, au contraire, développer des tendances d'un côté et de l'autre. Oui, c'est ça, faire état de. Et pour le coup, c'est vrai que nous avons un tropisme qui est plutôt anti-patriotard. Ce qui est très différent, c'est très différent. Ça, c'est intéressant. C'est un point très important que tu pointes là. Quand on appelle patriotard, c'est une caricature de patriotisme. C'est-à-dire, c'est quand vous devenez caricaturellement cocardier. Et quand la forme cocardière, l'extravagance cocardière prend le pas sur le fond. Là, il y a un vrai problème. L'exaltation des patries charnelles, moi, je ne l'ai jamais trouvé chez les souverainistes. Je vous le dis tout de suite, je ne l'ai jamais trouvé chez eux. J'ai toujours trouvé l'exaltation de la France française dans sa profondeur historique, dirais-je, dans des cercles qui étaient qualifiés, pardonnez-moi l'expression, de germanophiles. Bon, pour des raisons philosophiquement, en fait, assez évidente, mais c'est autre chose. Mais finalement, je trouvais que les gens qui parlaient le mieux de la France, c'est des gens qui étaient finalement pas tellement proches du côté patriotard, criard, qu'on pouvait retrouver. D'ailleurs, le côté patriotard n'est pas exclusif à la droite, on trouve ça à gauche aussi. Je trouve que chez Mélenchon, quand il se met à hurler sa République, c'est une caricature du patriotisme dans ce qu'il y a de pire, si vous voulez. C'est dans tout ce qu'il ne faut pas dire et ce qu'il ne faut pas faire quand on évoque la France. Enfin, vraiment, quoi. Je veux dire, ça fait très très peur, quoi. Je veux dire, le côté braillard. Et caricaturalement, braillard est conscient en plus, chez Mélenchon, d'être caricaturalement braillard. C'est quelqu'un qui sait qu'il est caricatural et qui recherche la caricature. C'est assez incroyable. Et c'est très très éloigné. De la recherche de la proximité avec avec ce que dit, pour le coup, Maurras avait une expression très heureuse qui était le pays réel, à l'opposé du pays légal, et que moi j'ai retrouvé dans les milieux identitaires. Je vais citer un exemple, c'est pour que les gens se situent, Terre et Peuple par exemple, ou des auteurs aussi, je veux dire, donc, enfin, une exaltation du terroir, dirais-je, du terroir, mais pas le terroir de manière générique, c'est-à-dire un terroir, vous voyez, la Bourgogne, par exemple, voilà, ça c'est parlant, ça c'est la France, J'ai jamais entendu, par exemple, Marine Le Pen exalter une partie constituante de la France. J'ai jamais entendu dire, parler avec profondeur de, je sais pas, justement de la Bourgogne. Pourquoi pas, vous voyez? Ou Philippot. C'est toujours très froid, très rationnel, très technique. Vous savez, vous avez affaire à... Il n'y a pas de vie, quoi. Il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de chair, il n'y a pas de sang. Il n'y a pas de passion. On sent que ces gens-là, en fait, sont des robots, mais quoi. C'est pas... C'est des robots, mais je te fais remarquer que tous les mouvements souverainistes du Front National, Rassemblement National ou Asselineau et compagnie sont des trucs où... soit sont dirigés par des homosexuels ou bisexuels, oui. Soit sont des partis truffés d'homosexuels. Des narcs. Le RN. Alors non, mais en fait, tu insistes beaucoup sur leur sexualité. T'as bien raison. Oui. Mais il y a le côté la Légion d'honneur, cher ami. C'est la Légion d'honneur qu'ils portent. Bon, c'est ça. Ils la portent pas publiquement, mais dans les cénacles, ça se reconnaît. Ils savent. Ils se reconnaissent entre eux. Mais je sais ça. Je trouve que ce qui les rend, c'est en l'occurrence, parce que c'est vrai que le fait d'être homosexuel, déjà, de toute façon, tu vas évoluer sexuellement dans des milieux très particuliers. Bon, enfin, pour une raison statistique. Bon. Donc déjà, t'es pas vraiment en phase, enfin, entre guillemets, parce que bon, comme tout le monde, j'ai eu à interagir avec des homosexuels. Bon, évident, je veux dire, parce que c'était... Je veux dire, ils étaient manifestement homosexuels. Bon, voilà, bon, des folles, quoi. Comment on les appelle? Bon. Donc, ils interagissent avec le commun des mortels, quoi. Mais bon, c'est quand même des milieux très très partis. C'est des gens qui, sur leur temps privé, vont aller vers d'autres milieux, etc. Donc, bon, bref, bien. D'ailleurs, pas des milieux défavorisés, contrairement à ce qu'on peut croire. Hein, plus vous montez dans l'échelle sociale, plus vous découvrirez que l'homosexualité est répandue. Et oui, ça, c'est le truc qu'on ne dit jamais. L'homosexualité n'est pas un truc de pauvre, c'est un truc de riche. Et il faut le savoir. Pareil pour la bisexualité. Mais je ne faisais pas mention de ça. Je faisais mention, en fait, du caractère énarchique du problème du souverainisme. Philippot, Asselineau, je serais un peu trop injuste si je disais De Villiers, parce que ce n'est pas en conformité avec ce qu'il a essayé de faire. C'est vrai. Mais il est quand même énarque, et par certains aspects, dans sa personnalité, il y a des tendances très politiques, très politiciennes, qui sont déplaisantes, je dois bien le dire. L'exaltation de la Jeanne d'Arc mulâtresse a été, je crois, une tâche hein, sur le curriculum vitae de Pasqua, avec celui aussi d'appeler à voter Sarkozy, alors là, complètement impardonnable. Mais bon, il n'y a pas que ça à l'actif de la personne. Pasqua était mort, je pense. Hein. Pardon ? Pasqua était mort, je pense, à l'époque de Jeanne d'Arc. Oui, il était mort, bon, mais comment dire, bon, c'est toujours un peu plus nuancé. Bon, disons, vous savez, c'est jamais tout blanc, tout noir hein, chez quelqu'un, bon, bien sûr. Donc voilà, mais vous avez donc Philippot, Asselineau, comment dirait, bon, pour toute une série d'énards comme ça qui pontifie sur la souveraineté, la France. Mais en fait, il ne parle pas de la France. Il parle de l'État français, du prestige de la bureaucratie française, du prestige de la diplomatie française. Finalement, une coterie de hauts fonctionnaires en poste à l'étranger détenant le passeport français. Mais c'est pas la France. C'est pas ça, la France. Et c'est cette dichotomie totale, je pense, qui est considérablement aggravée par le fait, maintenant, avec l'hyper-parisianisme, parce que maintenant, on est vraiment dans l'hyper-parisianisme. Jamais dans l'histoire de France, Paris n'a détenu autant les leviers des destinées de la France qu'aujourd'hui, en 2020. Que ce soit par les infrastructures, par les moyens financiers, les moyens politiques, les moyens institutionnels, enfin, c'est absolument incroyable. Bon. Et il n'y a plus de... Bah, les Français qui sont pas parisiens, ils ont pas les moyens d'exister, quoi, politiquement. Ils n'existent pas, hein, c'est tout, hein. Vous envoyez des députés qui servent à rien à l'Assemblée, bon, très bien. Ça se décide à l'Élysée. Bon, vos conseils généraux, je vous épargne le constat. Ça n'existe pas, quoi. Donc, c'est tout. En fait, la France réelle n'existe pas, au plan politique. On n'a pas le droit de citer. Ce qu'il aura de citer, justement, c'est la cité. Et les bobos. c'est les bougnoules de banlieue et les bobos, enfin, c'est une sorte de dialogue, si vous voulez, de... entre privilégiés, parce qu'il ne faut pas oublier que les racailles de banlieue sont des privilégiés, aux écarts des transferts budgétaires, c'est ahurissant. Et ces gens-là se parlent entre eux, sur les plateaux télévisés même, hein. Soit par reportage interposé, soit par dialogue chez Ruquier ou d'autres, voilà, enfin c'est... Voilà, la minorité s'entretient entre elles, hein, et en fait les Français sont pas invités, ils sont pas conviés, on connaît pas leur... Ils subissent en fait une colonisation, de fait, administrative et culturelle, donc on leur fout du... C'est quoi la négresse là, qui s'excitait à Fontainebleau là ? J'ai oublié complètement son nom. Aya Nakamura, voilà, bon, donc des négresses avec des noms de japonaises, des trucs très curieux. Bon. C'est pas la France, hein, tout ça, hein, c'est pas la France, hein, je vous le dis. Hein. Je sais pas. Est-ce que le tréfonds du pays va se réveiller un jour ? C'est à souhaiter, mais. Ce qu'on voit, c'est pas la France. Hein. C'est Paris, Bordeaux, Lyon, Montpellier. La Casbah d'Alger, beaucoup, beaucoup le Congo et la Côte d'Ivoire, mais pas beaucoup la France, quand même. Nous enchaînons avec la rubrique suivante, autisme radical. Alors là, c'est... On en a fait quelques-unes, hein, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Nos auditeurs vont pouvoir apprécier la qualité de cette rubrique cette semaine. Alors je cite Le Figaro, hein, source autorisée entre toutes. Macron réfléchit à un mémorial du Covid-19. Oui, oui. Non, mais je ne rigole pas. C'est authentique. Alors qu'Emmanuel Macron lance ce dimanche 17 mai dans l'Aisne une année de commémoration autour du général Charles de Gaulle, l'idée d'un mémorial des victimes du coronavirus lui aurait été soufflée par le conseil scientifique, selon le journal Le Parisien. Il n'y a pas de réflexion à ce stade sur ce point, aurait toutefois nié l'Élysée, interrogé par le quotidien local. Local au sens de parisien, quoi. Hein. En coulisses, toutefois, plusieurs conseillers du président étudieraient ce projet. C'est séduisant sur le papier, mais le président n'a pas d'avis pour le moment. Il nous demande juste d'y réfléchir, confie ainsi un proche d'Emmanuel Macron au journal. Un autre, toutefois, évoque au contraire une opération hasardeuse avant de se lancer dans l'instauration d'une journée mémorielle Covid ou de l'érection d'une sorte de monument. Il faudrait peut-être savoir comment tout cela va se terminer. Alors, j'ajoute, si vous l'auriez manqué cette semaine, que le président Macron, décidément, esprit fertile, esprit imaginatif, créatif, a annoncé la création d'une médaille, hein, d'une médaille pour les survivants du Covid. Les combattants du Covid. De Verdun et de l'Holocauste. Voilà, là pour le Verdun et le Verdun sanitaire, l'Holocauste sanitaire qu'ont traversé avec beaucoup de bravoure, je dois le reconnaître, tous ces nombreuses soignantes, aides-soignantes, infirmières, etc. Qui sont sur TikTok. Oui. Ah, j'ai ressenti beaucoup de douleur, hein, sur mes vidéos TikTok, effectivement. Et donc. Bon, déjà la médaille, le mémorial, alors je sais pas quelle forme, est-ce que ce serait une statue, un musée? Ce sera en fait en marbre de Carrare, à l'intérieur de Notre-Dame de Paris, qui sera transformé en un gigantesque mall de vente de matériel médical. Ouais, mais ça manque un peu de trucs sexy là-dessus, là. Moi, tu veux pas mettre un Starbucks un petit peu à côté de la cloche, là? Oui, sans problème. Sur le toit, en terrasse. Ouais. Bah oui. Et attention, restons multiculturels, il faudra un KFC. Ah oui, je te l'accorde. En tout cas, les dons sont ouverts et vous pouvez faire directement votre chèque à Emmanuel Macron. Tout sera utilisé pour le mémorial, on en est sûr. Hein. Ah, on en est certain. Chèque à Brigitte. Alors, on en rigole, mais... En fait, c'est pas au niveau du peuple français que ça pose problème. Enfin, ça dépend à quelle partie. Oh, si, quand même. Ça dépend. simplement. Ça dépend de quelle partie du peuple français, c'est certain. Mais dans les élites, entre guillemets, ça traduit un imaginaire quand même. Hein. Bah, surtout si à chaque grippe, il faut qu'on fasse un monument aux morts, on n'a pas fini journée, les gars. Bah, moi, j'attends un mémorial, si vous voulez, de la gastro-entérite. Oh oui! C'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que là, on en est à. Bon, les infirmières actuellement, donc, c'est le délire le plus extravagant qu'on a eu depuis. Depuis en fait l'Holocauste. Oh, depuis hein, 1945, hein, on peut le dire. Hein. Oui, depuis l'Holocauste. Voilà, qui était déjà un délire assez énorme. Hein, dans son ah oui, un délire collectif assez costaud, et là, nous avons des... Mais attention, je dis une chose, hein, l'Holocauste, un délire collectif construit a posteriori, quand même. C'est-à-dire que le délire de l'Holocauste que nous connaissons, c'est quelque chose qui a été construit 50 ans après les faits, c'est à partir des années 80, là, en fait, 90. On a... Là, c'est en live. Hein. Que là, on a en fait une vingtaine d'hôpitaux en France qui sont surchargés par un virus qui s'apparente à une grosse grippe. Une grosse grippe, oui. Donc une ultra minorité d'hôpitaux. Une toux très forte. Qui est les types boss plus que d'habitude. Le reste ne fout absolument rien, mais il faut payer tout le monde beaucoup plus. Et, ah, puis, beaucoup, si, beaucoup plus. Si, et puis, en fait, il faut parce que tout le monde s'est sacrifié, c'est Verdun, et si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes des nazis qui voulaient gazer des juifs. Donc c'est-à-dire qu'on a un mélange de Verdun et d'Holocauste dans oui. cette dans la ce première et tu fais bien d'en parler justement d'Eric, ouais, parce que ouais. cette histoire d'Holocauste, oui, parce que. Toujours. Parce que tu vois, le mémorial, effectivement, ça rappelle l'Holocauste, oui, bien sûr. Et même quand tu viens de l'évoquer, il y a aussi une sorte de nouveau négationnisme qui s'est installé. C'est-à-dire que si vous niez le virus, maintenant, attention, mort sociale, quelque part, oui, vous êtes nazi, comme pour l'Holocauste, effectivement. Que les mêmes gens qui ont des soupçons sur l'Holocauste, hein, je veux dire, la narration officielle et tout, avec tous ces millions de juifs gazés dans trois appartements, oui. quelque part. Mort et ressuscité, oui. Oui, dans un espace qui fait la taille de trois appartements, effectivement. Sont les mêmes qui disent qu'il ne s'est rien passé avec cette histoire. Et effectivement, bon, même en tirant, vraiment, bon, ok, on tire. Il y a quand même 30 000 Maccabées, mais 30 000 Maccabées, excusez-moi, la grippe 2017, 20 000 morts. Alors, moi, je sais pas. Oui, je t'arrête une seconde. 72 morts cette année seulement de la grippe, d'après un article officiel de la Dépêche sur Internet, donc en 2020, 72 morts en France, donc on ne meurt plus de la grippe, on ne meurt plus des pneumonies, mais on meurt du Covid. Bon, voilà. Ouais, bon, on y croit. Mais je ne suis pas plus fier d'avoir annoncé quand même, j'aime pas dire j'avais raison, machin, mais je sais que dans une certaine émission, il y a un peu plus d'un mois, j'avais fait un parallèle avec la fameuse grippe de Hong Kong, donc... 60, voilà, 60, je sais exactement ouais. la date, ouais, je crois que c'était 69, voilà, cette fameuse grippe de Hong Kong, donc là c'était l'apocalypse, hein. Tout le monde parlait de ça, on n'avait pas bloqué les gens chez eux, hein, donc ça ne devait être pas tant l'apocalypse que ça, mais donc là pour le coup on avait vraiment eu les 30 000 morts en France et bien 1 million dans le monde, et donc là on n'est même pas au chiffre là, on n'arrive même pas à les atteindre les 30 000 quoi, et pourtant ça dure depuis un petit moment cette crise du coronavirus quoi, c'est quand même pour dire bon... quand même au niveau des chiffres, effectivement, comme pour l'Holocauste, je me pose des questions, ouais. Non. Bon, les chiffres, faut pas se poser de questions. Oui, c'est vrai, il y a eu plein de choses curieuses dans cette histoire, de la chloroquine, enfin bon. Il y a évidemment plein de choses, mais ce qui est certain, c'est que, bon, bah, il y a l'histoire du vaccin obligatoire, quoi, hein, qui sera vraiment le sujet, à mon avis, sur le plan médical. Ah oui, là, oui, là c'est plus sérieux déjà. Oui. Bah, je me permets d'insister là-dessus. Vas-y, mais bon, explique un petit peu, même peut-être, pour ceux qui. Parce que nos auditeurs ne sont pas forcément au courant. Donc, vers quoi va-t-on au niveau du vaccin, de ce que tu entends et de ce que toi tu penses? Oui, bon, on nous dit déjà depuis un moment que des laboratoires, que ce soit, pas que dans un pays, hein, on a parlé, c'est vrai, d'Israël, mais alors ils auraient quelque chose en préparation, mais Je ne dis pas pour autant qu'ils auraient préparé qu'un quelconque virus. De toute façon, on n'a pas de certitude là-dessus. Mais en tout cas, bon, certains planchent sur un vaccin. Israël, la Chine, les États-Unis. En France, on nous a dit que Sanofi préparait quelque chose, mais que si jamais il préparait quelque chose avec succès, ce serait livré directement aux États-Unis. Puis après, on nous a dit « Ah tiens, les salauds d'Américains, ils nous volent le virus, etc. » Bon, enfin, le prétendu antivirus qui est le vaccin. Bon. Il y a aussi évidemment Bill Gates qui a énormément investi d'argent, on le répète, mais je crois qu'il va falloir insister sur ce point, d'argent dans l'OMS, donc il en est le directeur de façon pratique. Il y a un homme de paille éthiopien qui est, enfin bon, on sait que c'est une marionnette, c'est Bill Gates qui dirige, et donc ils ont prétendu plusieurs fois qu'il n'y aurait pas de retour à la normale avant le vaccin, mais un vaccin obligatoire. Et là, il y a un médecin allemand qui travaille aux États-Unis, Klinger, qui a dit que Trump était un partisan de la liberté vaccinale. Et il a dit d'ailleurs, il s'est renseigné sur le vaccin, puisque sur les vaccins en général, puisque son fils Baron Trump est donc une tendance autiste, et Trump a rencontré à cet effet le docteur Andrew Wakefield. Ça a été reconnu en fait. Alors lui, il semblerait qu'il ait rencontré Wakefield, donc auteur de Vexed, enfin pardon pour la prononciation, mais vous verrez, Wakefield, quelqu'un qui a établi un lien entre autisme et vaccin. Et il semblerait que Trump soit intéressé par ça. Il a nommé un certain Robert Kennedy pour travailler sur les enquêtes concernant les vaccins. On sait qu'en Californie, puisque c'est le côté fédéral des États-Unis, en Californie, il y a une obligation vaccinale désormais, alors qu'au Texas, par exemple, il y a une liberté totale. Il semblerait que Trump soit un partisan au moins de la liberté. C'est-à-dire, il a dit d'ailleurs dans une conférence filmée, on lui a demandé s'il y avait des vaccins en préparation. Il a dit, écoutez, on pourrait en avoir un pour ceux qui veulent se l'administrer. Quoi. Donc là, on est à l'opposé de Gates ou d'autres qui veulent imposer. Donc là, effectivement, bon, Klingart, dont je parlais, lui est un anti-vaccin très clairement sur tous les sujets. Là, je ne veux pas trop développer, mais on sait qu'il y a du mercure dans beaucoup de vaccins. On sait qu'il y a l'aluminium. De l'aluminium, du scalène, aussi des éléments venant de fœtus avortés, le savez-vous. Ça, c'est très malaisant, effectivement. Oui. Voilà, donc il y a un côté un peu rituel satanique, on a l'impression. Dans le vaccin notamment de la rubéole, Klingart le rappelle. Voilà, et Trump, par contre, là, c'est important. Trump a interdit strictement l'utilisation de fœtus dans la médecine en général, donc la réutilisation de fœtus, notamment dans les vaccins. Donc ce sera un débat à suivre, mais je pense qu'il faut se renseigner sur ce sujet, c'est quelque chose d'intéressant. On entend parfois des gens qui sont pro-vaccination, je ne dis pas que ces gens-là sont stupides ou quoi que ce soit, mais je pense qu'en creusant le sujet, on s'aperçoit que, on avait déjà parlé dans une émission, mais c'est plus les progrès de l'hygiène qui auraient fait baisser la mortalité. Il y a des fois des maladies dont la mortalité a baissé, et puis on nous dit, regardez, c'est parce qu'il y a eu un vaccin, sauf que la mortalité, que par exemple la peste a disparu, mais il n'y a jamais eu de vaccin contre la peste. Donc déjà, c'est pas vrai dans tous les cas. Et puis dans certains cas, il y avait déjà une baisse très significative avant ces vaccins. Et puis même pire encore, dans certains cas, il y a des gens, d'ailleurs Klingart dont je parle, j'ai pas envie d'oublier ça, il a dit que les gens qui sont très gravement malades, voire parfois morts du coronavirus, sont souvent des gens qui ont été vaccinés contre la grippe plusieurs fois, et que donc ça les fragilise. Intéressant, ça les protège pas du tout. Donc là, on est dans un débat, alors effectivement, c'est un débat de haut niveau, etc., mais renseignez-vous, je pense qu'il va falloir les gens, ils attendent quoi? Ils attendent une réponse oui, non, blanc, noir. En fait, tu vas découvrir que, malheureusement, sur la science du vivant, c'est jamais aussi net. C'est-à-dire que tu pourras, pour un cas dans un sens, tu pourras trouver un autre cas dans l'autre sens, n'est-ce pas? Donc, on va évoluer sur des tendances ou des proportions, d'accord, mais... Sauf que l'usager, on va dire, enfin non pas l'usager, mais celui qui utilise un de ces vaccins, il n'a pas envie de jouer à la loterie, quoi. Il n'a pas envie de dire, mais j'ai pas envie de faire partie des 1% qui, malheureusement, ont des problèmes, des complications suite à la prise d'un vaccin. Ils ont envie d'entendre qu'il n'y a zéro prise de risque, quoi. Or, c'est impossible. Moi, me concernant, la prise de risque, ça consiste à ne pas en prendre de vaccins si on vous le propose. Oui, non, tout à fait. Moi, ce serait intéressant de voir les conséquences sociales. Oui, excuse-moi, les conséquences sociales, c'est-à-dire qu'en fait, si jamais, si nos adversaires, les mondialistes, parce que Il nous a imposé tout. Il nous a imposé l'immigration, la dénatalité française. D'ailleurs, bon, il y a une histoire entre Bill Gates et la dénatalité dans des vaccins qu'il aurait testés sur les populations du tiers-monde. On pourra peut-être y revenir. Mais il se peut que, effectivement, bon. Alors, tout se casse la gueule dans notre monde. On l'a déjà expliqué, évidemment, maintes et maintes fois. Mais il faudrait faire confiance quand même aux mêmes instances qui ont détruit les bases de notre monde. Moi, je pense qu'il faut se méfier. T'as totalement raison. T'as totalement raison, je suis d'accord avec toi. C'est un principe de précaution là, sur ce point précis. Je suis d'accord avec toi. Je dis simplement que tu vois, je parle du principe que tu vois, la vaccination c'est absolument débile, etc. Je suis pas médecin, donc j'ai pas observé moi-même, donc j'aurais pas de réponse définitive. Je suis pas une autorité dans le domaine, donc je m'abstiens de toute idée là-dessus. Ce que je sais, c'est que quand j'étais adolescent, quand j'étais gamin, vous savez, la vaccination obligatoire, elle était obligatoire. Donc, les gens venaient à l'école pour nous vacciner, on nous disait, voilà, les enfants, tel jour, vous allez vous faire vacciner, etc., ne vous en faites pas, ça pique un peu, mais c'est pas très... Et effectivement, on subissait une vaccination, etc., bon, je suis pas mort pour autant, etc., je n'en dis pas plus, je dis pas que c'est génial ou quoi que ce soit, j'ai pas d'avis tranché là-dessus. Je dis que ça arrivait, on avait déjà ça à l'époque, la vaccination obligatoire. Et pour beaucoup de gens d'ailleurs, si jamais ce vaccin contre le Covid devenait obligatoire, ça leur rappellera ce type de souvenir, pour la plupart des adultes en tout cas, voilà, sauf les jeunes adultes. Mais je pense qu'on est quand même sur autre chose. On n'est clairement pas sur le même type de vaccination qu'on a pu connaître il y a 30 ou 40 ans. On est sur autre chose, quoi. Dans la substance vaccinale. Non, parce que je m'exprime pas là-dessus, parce que je n'y connais rien. Bon, voilà, c'est pas mon domaine, j'y connais rien, donc je suis complètement inculte. Je dirais simplement sur la signification du vaccin, son rôle, etc. Oui, la façon dont on l'administre. Et en plus, à l'époque, on n'en faisait pas un sujet. C'était pas un sujet, il y avait pas de... Et maintenant, on nous dit que, si tu veux, il s'est passé quelque chose de très très grave, très très important, qui est le vaccin. Mon instinct, vous savez ce qu'il me dit ? Il me dit la chose suivante. Si jamais la vaccination est obligatoire, le vaccin en tant que tel ne serait pas très dangereux. C'est mon sentiment. Oui, parce qu'ils auraient peur des conséquences de masse, etc. Parce que je pense que c'est pas le but. Le but, c'est pas, voilà, on va vous foutre un poison dans le sang, vous allez tous crever. Le but, c'est de pouvoir, chaque année, comme du bétail, vous passer un coup de tampon, un coup de laser, et vous dire, est-ce que Toto, il est machin truc, est-ce qu'il suit pas, etc. Est-ce qu'il peut passer les frontières, c'est le contrôle des gens, le contrôle de leur mouvement, le contrôle de leur vie, voilà. Je pense que c'est ça, le véritable truc. Est-ce qu'on peut contrôler les gens au point de leur dire, voilà, est-ce qu'ils suivent ? C'est un petit peu mon sentiment. Je pense que c'est vrai, une vraie envie de contrôle, mais vraiment sans limite. Il y a aussi le côté pécunier, le côté pactole, hein, de ceux qui vont décrocher les vaccins. Certainement, ça c'est l'intéressement. Bien sûr. Là, pour le coup, Bill Gates, dont on parlait, là, qui finance à 8% l'OMS. Hein, l'OMS est financé à 8% par la fondation Bill Gates. Bah lui, si jamais il y a un vaccin qui apparaît demain, il a un intérêt financier dans l'affaire, quoi. Donc, déjà, j'ai parti. Hein. Totalement. Oui, il fait partie aussi de groupes mondialistes, alors peu fréquentables. Hein. Il aurait été sur l'île de Jeffrey Epstein et tout ça, d'histoire de... Ah, totalement, oui, aussi, oui. Alors, effectivement, après, il y a des... dans le mondialisme, il y a des fois bon, des histoires un peu qui vont loin, mais je crois que ces gens, effectivement, enfin, en tout cas, moi, je leur fais absolument pas confiance. Donc, ah non. Je sais pas jusqu'où ça va, je sais pas s'ils ont tué par eux-mêmes, je sais pas s'ils ont violé des gamins, j'en sais rien. Si, ils ont tué par eux-mêmes, bien sûr, mais... ils ont tué par eux-mêmes par leur décision. C'est très probable, oui, effectivement. Bien sûr, mais tu me dis, est-ce qu'ils ont tué de leurs mains ? Non, mais par leur décision, ils ont tué beaucoup plus de gens que ce que tu pourrais jamais tuer de tes mains. Ça fait pas l'ombre d'un doute. Ce sont des gens qui. Je veux dire, il faut bien comprendre que nous avons affaire à des gens. Peut-être que ceux qui... Moi, c'est ça qui me tue, quoi. C'est-à-dire que... On nous présente Adolf Hitler comme étant un meurtre... Alors qu'on sait que c'est pas vrai. C'est-à-dire, ceux qui s'intéressent à l'affaire... Adolf Hitler était probablement un des dirigeants les plus humains qui a dû faire face aux décisions les plus brutales face à des gens qui étaient prêts à tout. C'est-à-dire les mêmes gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, parce que c'est eux qui ont gagné. Donc c'est une situation extrêmement, ça pourrait être l'objet d'une presque d'une pièce de Shakespeare, quelque chose comme ça. Maintenant on a affaire à ces gens. Ces gens-là, si vous croyez que 1 million de morts, 10 millions de morts, ils s'en foutent, ok? Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Alors qu'ils se présentent comme des philanthropes. Mais bien sûr, mais c'est même l'idéologie de la philanthropie, d'accord? C'est leur slogan, c'est leur bannière, d'accord? Mais détruire votre famille ne leur fait pas peur, ça ne leur pose aucun problème de conscience. Parce qu'ils ne vous voient pas comme un être humain en chair et en os, ils vous voient simplement comme des chiffres, des statistiques. Pour eux, vous n'êtes que des chiffres, voilà, ils regardent les courbes qui évoluent, etc., ils poursuivent leur objectif en se disant « oui, mais vous comprenez, quand nous aurons finalement mis en coupe réglée la planète, etc., ça fonctionnera tellement mieux, etc. » Voilà, c'est du dirigisme radical, exactement comme on a connu, enfin, comme les Russes l'ont connu, d'une manière beaucoup plus médiévale, à la faveur de la Révolution d'Octobre, où, voilà, vous avez une élite complètement illuminée qui dit, voilà, on va mettre le pays en coupe réglée, on va le normer, on va tout calibrer, et puis ça va produire comme ça, et pas comme ça, et tout ce qui dépasse, bah, il faut s'en débarrasser, et trucs, et voilà, et c'est cette folie-là. Et ces gens-là oui. veulent savoir où on va, ils veulent savoir quand on va quelque part, avec qui on va, ils veulent savoir combien de fois on pisse par jour, ils veulent tout savoir sur nous. Pour eux, nous sommes du bétail, c'est ça que je veux dire. Et ils s'abstiendront de ce qu'ils nous imposent. C'est ça que je veux dire aussi. Notez Ferguson, Neil Ferguson, donc, qui a été un élément important de cette panique globale, et notamment du verrouillage de l'économie française. Rappelez-vous que ce type avait dit que nous allions connaître en France 500 000 morts, enfin que c'était là, on était foutus. Ce mec baisait une femme mariée pendant le confinement en Angleterre. Il a jamais cru un instant que ce qu'il racontait était vrai. D'accord ? Bon, il a démissionné, il a dit ok, il s'est fait gauler, quoi. Mais bon, ce qui rassure un peu sur l'état, je veux dire, de la liberté d'informer en Grande-Bretagne, même si on persécute aussi beaucoup de gens en Grande-Bretagne pour ce qu'ils disent. Mais je veux dire, l'information a quand même filtré, et il a quand même démissionné. C'est bien, mais le mal est fait. Donc, un des principaux criminels à l'origine de cette arnaque, parce que moi, je vous le dis, je vous donne la parole, bien sûr, mais moi, je suis allé un petit peu tâter le terrain, voir après le déconfinement, voir les gens, etc. Alors, comment ça se passe? Non, les gens sont certains d'avoir échappé à la mort. Ils sont certains d'avoir vraiment survécu à quelque chose de très très grave, quoi. Et là, je me dis, merde, thèse intelligence, foirée. Nous avons encore des gens qui pensent que nous allons tous mourir parce que virus magique, etc. C'est malheureusement, tant que cette peur existe, c'est ça que je veux dire, tant que cette peur existe exactement comme la peur de la chambre à gaz, hein, n'est-ce pas? Parce que c'est ça, la chambre à gaz, on nous dit, attention, ça peut arriver demain. Oh là là, mais le Front National arrive au pouvoir en France demain. Bon, hein. Mais nous allons revivre ce que nous avons vécu, ma pauvre dame, etc. Donc, la peur conduit le comportement des gens. Ils ont utilisé ça, mais à faible dose, ça marchait formidablement. Maintenant, c'est à dose massive. Finalement, ça marche tout aussi bien. C'est vrai que ça rend un peu philosophe, quand même. J'ai essayé d'avoir une discussion là-dessus, au final, avec des gens de ma famille qui ont un petit peu d'âge. Alors, je comprends pour le coup pourquoi ils ont peur. C'est justement parce qu'ils ont un petit peu d'âge et qu'ils n'ont pas envie de passer l'arme à gauche si jamais ils sont infectés. Bon, soit. Et moi, ce qui m'a fait peur pour le coup, c'est d'avoir des discussions complètement irrationnelles avec des gens de mon âge. Tu vois. Des mecs qui ont 20, 30 ans et qui ont peur de crever demain parce que si jamais ils vont acheter une baguette, tu te rends compte, c'est la fin du monde, quoi. Et là, ce qui est flippant, c'est la réaction des gens, pour le coup. Ils sont prêts à tout gober, en fait. Hein. Ouais, ça fait peur. Et à tout accepter de la part de nos maîtres qui les ont convaincus. Bah oui, mais regardez, c'est grâce à nous, hein, que vous avez échappé. Alors qu'ils ont été sur le sujet. Agnès Buzyn, elle a menti sur tous les sujets. Elle a fait interdire la chloroquine tout en faisant soigner le professeur Blumenthal, ou je ne sais pas qui, un mec qui s'appelle Blumenthal, en tout cas. Avec de la chloroquine. Ils savent qu'il y a des trucs qui sont pas chers, qui marchent et qui ont permis de limiter. Eux, ils sont responsables de la mort de gens, notamment par euthanasie via le rétroviril. Ils ont fait des immondes saloperies et ils arrivent à se faire passer pour des gens qui nous ont protégés. Pardon. Non, c'est toujours bon de rappeler qu'ils opèrent 200 000 avortements par an. 200 000 avortements, plus là, effectivement, bon, les gens qui sont en fin de vie, qui sont dans les maisons de retraite, d'accord, ils sont âgés, mais il n'empêche que là, on leur a fait signer des trucs, tenez, si vous tombez malade, comment dire, pas de réanimation, hein, puis on leur a fait un rétroviril. Pour qu'ils... Donc là, ils ont pratiqué l'euthanasie, ils ont pratiqué le contrôle de masse, ils veulent continuer avec l'application Stop Covid, ils veulent tout contrôler, supprimer le liquide, ça ne la dérangerait pas non plus. Et ils se font passer pour les gens qui nous auraient fait chuter à la tête. Voilà, voilà. C'est là que ça devient vraiment soviétique. C'est quand tu vois la machine se mettre en place pour célébrer des mecs... Enfin, bon, moi, j'ai pas de haine particulière contre les aides-soignants ou les infirmiers en tant que tels, on s'entend. Mais ces célébrations forcées, obligatoires, mécaniques, dans ce contexte, n'est pas s'imposer de questions, je veux dire, on nous dit voilà, faites confiance, et là je te rejoins, quoi. Ouais, il faudrait du coup confiance, c'est-à-dire abandonner notre jugement, abandonner notre libre arbitre, abandonner notre liberté de décider de notre propre vie aussi. Il y a quelque chose que je voulais dire, c'est qu'on nous dit aussi, vous pouvez être en bonne santé, en gros vous avez 30 ans, vous faites du sport, vous n'êtes pas, même si vous avez officiellement le Covid. Bon, il faut quand même faire attention et éventuellement se faire traiter, voire vacciner, bon ça on a déjà dit, parce que vous pouvez être contagieux pour les autres. Et du oui, coup, ça, c'est, en fait... oui, c'est le joker, ça. Ouais, non, mais ils ont raison sur tous les tableaux, quoi, en fait, c'est... Ouais, voilà, on a, on, même on joue si pas t'es en bonne santé égale, que tu risques rien, ouais, mais non, mais en fait, il faut quand même que... Vous êtes porteur asymptomatique, et puis il y a l'immunité de groupe, et l'immunité de groupe, bah comment on va par le vaccin, alors que c'est complètement débile, enfin, je veux dire... Même sans vouloir faire un truc hyper anti-vaccinal, c'est pas ça la question, mais là encore, peut-on leur faire confiance? Moi, jamais je leur fais confiance, quoi. Bah non, bon, enfin, tout ça est élevé, hein. Bon, c'est les Bill Gates et compagnie qui sont, qui ont des billes dans la partie, quoi. Mais je pense que c'est même pas juste de faire du pognon avec des vaccins, encore que ça compte, mais c'est le contrôle des populations. Moi, je. Là, ils déconfinent, mais ils déconfinent, mais c'est très partiel. Et on voit bien, ils le disent. C'est... Bon, je comprends, hein, les gens sont contents, ils respirent un peu. Moi, ce qui m'inquiète, je vous le dis franchement, là c'est philosophique, ok? Je suis pas surpris, pas du tout, par l'absence de réaction des Français. Non, ça ne me surprend pas le moins du monde. Je pensais qu'ils auraient été bordéliques, ils l'ont pas été, pas trop, ils l'ont été un peu quand même au début, mais pas trop, mais je les pensais pas rebelles au point de se révolter, etc. Mais maintenant, ce qui me fait très très peur, oui, je peux le dire, le mot quand même, c'est que les gens n'aiment pas la liberté. Vous savez, quand on est tous, parce qu'on est constamment sujet à la propagande démocratique, et constamment on nous dit, voilà, la démocratie c'est la liberté, c'est pratiquement réductible l'un à l'autre. Et non, c'est pas vrai, c'est faux. On est dans une démocratie, c'est un fait, tous les cons peuvent aller voter tant qu'ils veulent. Est-ce qu'on est libre? Non, on n'est pas libre, c'est pas vrai. On n'est pas libre, on peut pas dire ce qu'on veut, on peut pas se déplacer comme on veut, on peut. Et avec le temps qui passe, on voit que le peu qu'il y avait devient de plus en plus restreint, et on nous dit, oui, mais vous comprenez, vous allez avoir votre téléphone portable, et puis la vaccination, et puis le truc, et puis c'est bizarre. Plus je suis en démocratie, moins je suis libre. Vous voyez? Oui, puisque c'est l'expertocratie, parce qu'il faudrait faire confiance à certains experts, qui sont d'ailleurs pas du tout des experts, comme le gars de l'OMS. Oui, mais je les emmerde, tu vois, j'ai envie de te dire, ouais. je les emmerde. Oui, bon, jusqu'à présent, on nous disait, vous aviez la liberté, oui, on avait la liberté de, je sais pas, de faire des jeux vidéo. Bon, est-ce que ça élève véritablement la personne? Je dis pas que je critique forcément, que j'ai jamais joué moi-même à des jeux vidéo, enfin, bon, une liberté, on va dire, assez futile. Vous avez la liberté d'aller sur les sites porno pour vous astiquer. Bon, c'est une liberté qui va peut-être pas nous transcender non plus. C'est tout ce qu'écrit Carrel dans Réflexion sur la conduite de la vie, de dire qu'en fait, on a fait l'apologie du plaisir à court terme, hein, et que ça nous a beaucoup nui, enfin, qu'on s'est beaucoup relâché, qu'il y a eu beaucoup de paresse suite à cette apologie de la liberté. On va dire. Mais après, en fait, quand il s'agit des véritables libertés, c'est la liberté de défendre une opinion construite, de parler d'histoire, de parler de ce que c'est qu'une société, d'interroger des sujets. En fait, de faire un choix de vie, en fait. Ouais, c'est ça, en fait, de se déterminer soi-même, de, je sais pas, monter, tout est compliqué quand vous voulez monter une entreprise, c'est compliqué, quand vous voulez monter une école, c'est compliqué. Tout est toujours compliqué parce que c'est par le poids de la réglementation, en fait. Hein. C'est-à-dire, sur les vrais sujets, c'est soit hyper réglementé, et c'est réglementé par qui? Par une expertocratie. Ouais. C'est terrible, mais effectivement, et eux, ils se disent, mais regardez, vous avez la liberté quand même de regarder sur YouTube des trucs de maquillage. Bah ouais, mais bon, en même temps, ça apporte rien, donc, En fait, c'est ça la démocratie. C'est ça le truc. C'est que la démocratie ne mise pas en fait sur la qualité du jugement, ni la qualité tout court, elle mise sur la quantité en fait. Donc tant que t'as une grande majorité de gens qui sont satisfaits de vidéos de maquillage sur YouTube, ça marche. Même si les mecs, parce que les mecs qui contrôlent sont tous sauf des idiots, s'abstiennent totalement de regarder ce genre de truc. C'est-à-dire que tu vois, ils empoisonnent les autres, ils s'empoisonnent pas eux-mêmes, bien sûr. Évidemment. Exact, on sait que bah justement Bill Gates et compagnie, eux ils ont leur gamin, bon, il se dit aussi qu'il n'aurait pas été vacciné, mais ça mérite confirmation, mais ils ont dit publiquement en tout cas que leur gamin il regarderait pas de tablette ou quoi que ce soit avant leurs 12 ans ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que ça, ils savent que ça détruit complètement l'intelligence des gamins quand c'est donné à des gens trop jeunes, mais ils le font pas, alors ils s'administrent pas le poison, de même que ceux qui vendent de la coke en général, ils s'administrent pas non plus dans les veines. L'héroïne, tu veux dire? Oui, l'héroïne, plutôt, oui, l'event, c'est plus l'héroïne, effectivement. Mais sur qui veut l'expertocratie, l'expertocratie. Une toute petite chose sur l'expertocratie, par exemple, quand on a vu autour de Raoult, alors je dis pas que Raoult a 100% raison, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a pas 100% tort, et que ceux qui sont venus lui cracher à la gueule, etc., Laurent Alexandre, ils ont pas été constructifs, ils auraient très bien pu dire, oui, je pense que ça, c'est une piste intéressante, mais j'ai des réserves sur ça, mais ils ont pas fait ça du tout. Ils lui ont dit, ouais, mais c'est pas scientifique, c'est pas ceci, c'est pas cela, en fait, ils ont voulu dénigrer une personne, dénigrer, mais pas seulement lui, mais tous les projets qui auraient pu aboutir, parce que c'est eux qui bénéficient du système et ils n'ont pas envie de lâcher les rênes. Quoi. Et là, ils sont prêts à tous les coups bas. En fait, il y a deux choses. Je comprends les deux tendances. En fait, quand Laurent Alexandre a critiqué Raoult, en fait, je pense pas qu'il a vraiment critiqué Raoult en tant que tel. En réalité, je pense qu'il a critiqué, ce qui l'énervait beaucoup, c'était le mouvement de masse. C'est-à-dire, le mouvement de masse, c'est-à-dire, en fait, il a eu un réflexe antidémocratique, sain, je pense. Mais en fait, il a été aveuglé par ce réflexe. C'est-à-dire qu'il s'est dit... il a vraiment écouté sa pulsion qui de dire « Non, la masse n'a pas tout le temps raison, c'est pas parce qu'ils aiment quelqu'un qu'il a raison. » Il a peut-être été un petit peu jaloux aussi que, oui, que sûrement, lui apparaisse comme antipathique. Bon, un succès d'estime, en fait, il s'est dit « Un succès d'estime ne fait pas une vérité scientifique. » Ce qui est parfaitement juste, je veux dire. Mais je pense que la défiance à l'égard de l'institution n'était pas du tout malsaine. D'accord ? Et c'est ce que ça traduisait, ce truc-là, tu vois. Donc, en fait, tu vois, dans les deux tendances, ça a des trucs intéressants, tu vois. Donc, la tendance populiste, c'est-à-dire, je récuse absolument la version officielle, donc c'est tous les gens qui se sont retrouvés dans Raoult. Et au contraire, chez Laurent Alexandre, par exemple, mais en fait, Alexandre était assez marginal par rapport à tous ceux qui crachaient sur Raoult, parce que ceux qui crachaient sur Raoult, c'était vraiment une question de stature. Je veux dire, c'était vraiment le système qui avait peur pour son autorité, quoi, et son prestige. Mais chez Laurent Alexandre, c'est plus, on va pas laisser la plèbe faire de la science quand même, quoi. Je veux dire, bon. Et en fait, c'est toujours un équilibre. C'est un équilibre assez compliqué entre le plébéien et entre le méritocratique et entre le savoir. Et, tu vois, c'est toujours un peu. Et donc, l'intention de Laurent Alexandre me semble pas vraiment. Je sais pas, quelqu'un qui est animé par. Je crois pas qu'il soit animé par tu vois, une idée. Comment je vais trop, le couler... Enfin, ça n'a pas véritablement. Non, mais je pense qu'il essaie d'exister médiatiquement, c'est-à-dire que tu vois, c'est dans un environnement, il veut exister médiatiquement, il veut être invité, parce qu'il se dit au moins si je suis invité, je peux au moins véhiculer 2-3 idées à moi qui sont intéressantes. Ce sera toujours mieux que si je ne suis pas. Et qu'en fait, pour continuer à avoir accès aux médias, il s'est dit tiens, je vais. Si vous regardez en fait Laurent Alexandre, c'est pas lui l'objet du débat, mais c'est quelqu'un qui prend un contre-pied constamment en fait. Et il prend un contre-pied. Pourquoi? C'est simplement pour éviter d'être classé dans une catégorie par un camp ou par un autre, parce qu'il se dit que c'est mortifère. C'est-à-dire que si je suis classé dans tel camp, l'autre camp va m'anathématiser et je suis foutu. C'est-à-dire que au bout d'un moment, je risque d'être complètement blackboulé. Et si vous regardez bien, c'est-à-dire que des fois, dans des polémiques, il essaie constamment de surprendre. Moi, il me surprend pas, parce que je vois clair dans son jeu. Mais pour les gogos, ça marche. C'est-à-dire que là où il est, il est pas. Et puis finalement, là où il est pas, il arrive. Et parfois, il se retrouve dans le côté des conformistes. Donc, en fait, je pense que c'est de la pure tactique médiatique. C'est de la pure tactique médiatique. Il n'y a pas du tout de fond scientifique. Quand il dit qu'il faut faire disparaître Raoult, c'est tellement extravagant qu'on sait que c'est ça, en fait. C'est, à la limite, même, il se fout de la gueule de ceux qui le soutiennent, en fait. C'est ambivalent à 100%. Enfin, je veux dire, c'est... À un moment donné, moi, je l'inviterais franchement à prendre des vacances, quoi. Je veux dire, ça vaut pas le coup, quoi. Oui, oui, bah, sur un petit truc, sur le fait qu'on a... À quel point on a entendu n'importe quoi sur le plan scientifique, prétendu scientifique. C'est est-ce que vous avez vu l'histoire de comme quoi des chiens qui auraient été formés pourraient sentir les personnes atteintes du Covid-19? Oui. Oui, j'ai vu ça. Ça, c'est un truc avec une brigade qui aurait été créée à Ajaccio, un truc comme ça. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a des gens en blouse blanche, des docteurs qui ont validé ça. Normalement, un virus n'a pas d'odeur. Alors, peut-être que le corps humain qui réagit d'une certaine façon pourrait avoir une odeur, mais comment pourrait-on former des chiens sur un truc qui est complètement encore, enfin, indéfini, enfin, on n'a pas de recul sur ça, donc c'est complètement débile. On nous a expliqué que des animaux avaient le coronavirus, bon, bref, sans commentaire, quoi. Enfin, c'est peut-être vrai, mais bon, il y a eu tellement de conneries que là, franchement, je sais plus. Messieurs, avant de nous séparer, peut-être brièvement, allons-nous parler de cette anecdote que je vous livre tout de suite. C'est la gauchiasse de la semaine pour la rubrique. Actu.fr qui nous cite ça. Le meurtre s'est produit au milieu de la matinée, ce mardi 12 mai, au domicile de la victime, au 25 route de la Monteux, à Bretteville, en Serre, à l'est de Cherbourg, en Cotentin, dans la Manche. Le parquet de Cherbourg a confirmé l'interpellation d'un individu, un migrant d'origine afghane, âgé d'une vingtaine d'années. Il a rapidement été placé en garde à vue. Selon nos informations, le suspect aurait été hébergé par le président d'Itinérance. Donc Itinérance. Une association de Cherbourg qui venait en aide aux migrants. Il aurait frappé Jean Ducine durant son sommeil à coups de barre de fer. L'alerte aurait été donnée par d'autres migrants présents. Les techniciens en investigation criminelle sont actuellement sur place et la route qui mène au domicile de Jean Ducine est bloquée par les gendarmes. Je vous rassure, elle ne l'est plus actuellement. Parisien d'origine, mais cher bourgeois d'adoption depuis 1990, Jean Ducine, 63 ans, enseignant à la retraite, avait repris la présidence de l'association en 2016. Les gendarmes de la compagnie de Cherbourg auront à déterminer précisément les circonstances du drame. Alors, moi-même étant enquêteur à mes heures perdues, je peux déjà vous dire que Jean Ducine aimait particulièrement la sodomie par des jeunes Afghans. Oui. Et donc, finalement, peut-être, il y a probablement tarifé, et les montants n'ont pas dû être exactement au niveau des attentes de ce jeune homme, hein, qui bah, disons que la pension de retraite l'éducation nationale fournie par ô combien mérité de cet obèse morbide, c'est oui, il est gras, il a un double menton, il a du gras qui coule des joues, enfin, c'est abominable, c'est surprenant. Surprenant, non, c'est un fonctionnaire quand même. Il a mangé pendant des années. Hein, c'est un gras cul qui a posé ses fesses sur une chaise pendant des décennies. Donc, ce n'est pas étonnant qu'il ait cette espèce de faciès dégoulinant avec un double menton. Je veux dire, c'est même plus un double menton, c'est oui, c'est une poche de pélican. Hein. Ça sert à stocker de la nourriture. Et donc cet individu-là, au faciès particulièrement horrible, comme nous l'avons décrit, a dû se confiner à la mi-mars avec un Afghan, en échange probablement de relations tarifées, et le confinement s'éternisant, les tarifs, il a fallu passer à la caisse. Oui. Et vu que les jours passaient, notre ami, façon de parler, a dû se retrouver à court de liquidité. Et ainsi, plus de pognon sur la CB. Plus de pognon, plus de sodomie. Voilà. Le drame. Et, le drame. Enfin, le drame, non, pas le drame. Le drame. La libération. Ah oui. Le marteau. Ah non, la barre de fer. La barre de fer. Tu sais, et puis alors, là, on sent l'Afghanistan quand même un petit peu. Hein. C'est un petit peu. Ça nous change. Hein. Vous savez, d'habitude, ici, en France, je veux dire, les drames sont toujours. À la lame, parfois l'arme à feu, mais. La barre de fer, quand même, ça ajoute un petit truc. Enfin, c'est-à-dire, moi, en tout cas, ça me fait voyager. C'est un retour aux fondamentaux. La matière, elle est à brut. Voilà, on sent quelqu'un qui était sincère dans sa démarche, quoi. Ah, bien sûr. Hein ? Ah, il a dû lui défoncer le. L'occiput, ça a dû cogner comme ça. Il a dû crier, le mec. Ce qu'il y a, c'est qu'il a, il y a dû avoir des. Comment dire. Bon, moi, c'est une coloration que j'aimerais bien me. Oui. C'est quelque chose que j'aimerais bien avoir dans mon intérieur. C'est de la cervelle de gauchiste. Donc là, il a appuyé là où la chose permettait d'avoir une coloration sur son intérieur. Custom. Customisé et parfois tout à fait intéressante. Qui a envie de me raconter un petit peu, je sais pas, parce que c'est quand même un moment tragique. Tous ces gens quand même d'extrême gauche qui se dépensent sans compter. Bien sûr. Alors quand tu parles des gens d'extrême gauche, parles-tu de Marine Le Pen? C'est-à-dire? Le Rassemblement National a fait la chasse aux Français. Qui est honnête, qui était encore perdu dans son organigramme et qui aurait eu le malheur de se réjouir de la bonne nouvelle de l'éclatement de cervelle de Monsieur Bucine. Bon, c'est une nouvelle. Alors... Ça fait agréable, mais Nicolas Bay n'est pas alors, de cet avis. Alors, j'ai regardé cette affaire. Alors, ils se sont pas réjouis. Ils ont dit, c'est l'arroseur arrosé. Et ce commentaire leur a valu les foudres de la direction du Rassemblement National, c'est-à-dire de Marine Le Pen, dont la présidente, évidemment, est en responsabilité à tout point de vue, et en particulier de Nicolas Bay, mais là, qui n'a été, je pense, que l'exécutant. Un exécutant. Une simple raison géographique, voilà. Oui, Nicolas Bay est une victime sexuelle de Marine Le Pen. tu es un peu comme le Christ, tu peux pas t'empêcher de dire la vérité. Ouais, c'est l'éternel. Hein. Non, mais je veux dire, Nicolas Bay a quand même, toujours sur demande de Marine Le Pen, poussé le vice jusqu'à aller en Israël. Ah oui! Pour c'était parti! C'était particulièrement rigolo cet épisode. Oui. Ah, c'est pas le mot qui m'aurait tout à fait à l'esprit tout de suite là. Mais, ah bah oui, moi, ça m'a fait beaucoup marrer. Ah oui, c'est autre chose ça, mais c'est pas forcément le qualificatif que je retiendrai. Mais pour rencontrer un sous-ministre du tourisme, enfin, c'est un truc absolument impressionnant. Je veux dire, Marine Le Pen, imaginez quoi, elle est candidate à la présidence de la République française, ce qui est un poste qui reste prestigieux, je veux dire. Bon, c'est plus que c'était, mais bon, disons que ça reste prestigieux. Et en fait, Marine Le Pen estimait qu'il était de son niveau d'avoir un émissaire, enfin, parce que c'était ça dans l'idée, c'est la rencontre, hein, d'être reconnu par un sous-ministre du tourisme, enfin, israélien. Bon, pas de la Turquie, hein, pas de l'Iran, pas, j'en sais rien, pas de la Mongolie, non, vraiment, Israël, quoi. Oh, c'est terrible, quoi. C'est terrible. Il avait fait des photos et il avait dit ah, regardez, donc il avait rencontré une personnalité plus importante, je sais pas qui c'était, c'était pas Netanyahou non plus, quoi. Et puis du coup, il avait pris une photo parce qu'il était dans un restaurant en train de bouffer. Puis en fait, personne savait qui il était, quoi. Personne savait qu'il était du Front National. Totalement. Non, mais, même il l'aurait su que ça aurait rien changé, hein. Bref, on s'éloigne. Donc le Rassemblement National donc était très en colère, hein, contre cette remarque ironique, sarcastique, mais bien sentie à propos donc de Jean Ducine, hein, pour Marine Le Pen. L'arroseur arrosé, c'est trop quand un extrémiste d'extrême gauche aide des Afghans à s'implanter en France moyennant relations sexuelles. Et ça me fait penser à une histoire que j'ai lue ce matin, que j'ai retrouvée à l'instant dans Le Parisien, qui met en avant une dame, une certaine Cathy, qui a 60 ans et quelques, qui est veuve, qui est très contente parce que depuis le début du confinement, en fait, elle héberge un certain Adam du Tchad, hein, qui a la vingtaine. Alors je sais pas comment ça va finir, hein, peut-être qu'une nouvelle. Mais si. Alors bon, lui il a dit deux trucs qui m'ont fait marrer. C'est que lui il a dit, moi je suis resté au niveau parce qu'il squatte chez elle pendant plusieurs mois. Ouais, platonique. Ouais, platonique. Il a dit, je suis resté dans platonique, il y a plateau. Non, je suis resté parce que je m'entends. Hein. J'aimais bien. Elle m'a fait une bonne blanquette de veau. C'est ce qu'il a déclaré. Bon, d'accord. C'est pas une blague. Elle a dit, oui, bah, je l'aime bien parce qu'en fait, il m'a appris à danser sur des danses africaines. Donc ça veut dire. Ouais, non, mais au secours, putain. Voilà, quoi. Ça va finir à la machine. Non, mais je veux dire, c'est terrible, quoi. Je veux dire, imagine ta mère, elle se fait briquer par un Africain qui. Elle lui fait de la blanquette de veau. Con des cours de danse africaines. Ouais. Coup de beat, peut-être, africaine. Plus déjà. Ouais. En fait, ça commence par un coup de bite, ça finit par un coup de barre de fer. C'est pas mal. Mais je suis très déçu du rapport de gendarmerie parce que on n'a pas mis en valeur la barre de fer, on n'a pas mis en valeur l'alliage utilisé, la qualité du produit. Je comprends parfaitement que le Front National soit furieux parce que nombre de membres du Front National utilisent chez eux des barres de fer, enfin de fer en acier inoxydable, achetées au sex shop du coin pour se l'introduire dans le fion pour y trouver un plaisir quelconque. C'est clair qu'ils ne sont pas contents de voir que d'autres peuvent l'utiliser à des manières beaucoup plus utiles et radicales. Aussi. Messieurs, la barre de fer, le salut du monde. Après le rideau de fer, la barre de fer. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Ben, comme disait Bourvil, faut le faire. Ah ben, faut le faire, hein. Allez, à la semaine prochaine, les amis.